Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux, ou presque, encore faut-il que le jeu ait un bout. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime. Hola. Et je suis aussi avec Exerve. Salut. Alors messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Diablo 3, un jeu qui était dans notre blacklist, dans la blacklist d'Exerve. Je rappelle que voilà, l'année dernière, vous aviez pu voter parmi différentes listes et que c'est Diablo qui est sorti vainqueur de ce grand concours. Il y avait quoi ? Il y avait quoi ? Il y avait Parasite Eve et j'avais Dragon's Dogma aussi, ouais. Voilà. Bon, voilà, c'est... oui, c'est la blacklist, c'est l'occasion un peu drôle, tu vois, de suggérer des jeux, tu sais, c'est la petite bataille de Polochon et Benoît, il arrive en armure, tu vois, avec des roulades. Alors, je vais vous faire jouer à quoi, les gars ? Vous allez soit jouer à cette merde, soit jouer à cette truc. Non, pardon, excusez-moi, je ne voulais pas vous manquer de respect, mais ça a été un vrai jeu blacklist, Maxime. Ah, là, c'est une vraie blacklist. La vraie blacklist. Épisode aussi spécial parce que bon, on peut le dire, tu as aussi écrit un bouquin sur toute la série Diablo. C'est sorti chez Third Edition, la maison d'édition, voilà, mais pas que vous connaissez. Livre qui est toujours dispo, hein, qui avait été réédité il y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Il avait été réédité l'an dernier. Donc ça s'appelle Genèse et rédemption d'un titan. J'aimais bien les titres à rallonge a priori à l'époque. Je reviens vraiment sur l'histoire, comme d'hab, quoi, gros contexte de création de toute la série Diablo 1, 2 et 3, parce que le 4 pour l'instant il était même pas annoncé d'ailleurs quand j'avais sorti le bouquin. Je fais un gros topo sur le lore de tout ça, parce que oui, il y a un lore, on le voit jamais dans le jeu, mais bien. Il existe sur les wikis. Les petits parchemins avec la petite croix en voilà, droit, tout ça, ouais, exactement. Et surtout, je propose un gros truc de décryptage, je m'étais amusé à vraiment essayer d'expliquer ce que vous avez fait, vous, dans l'émission de GND sur le loot, de montrer comment Diablo, après, ça s'est diffusé dans tout le jeu vidéo, et j'avais un truc qui dit « tout est Diablo ». Tout est Diablo. Non mais de toute façon, bon évidemment là pour cet épisode, on va un peu se reposer sur toi parce que voilà, nous avons l'expert national, donc voilà, on en profite. Mais voilà, c'est des choses de toute façon sur lesquelles on reviendra pendant l'épisode. Je rappelle qu'il y a une autre blacklist que vous pouvez toujours voter pour les jeux qui intégreront éventuellement la saison 5, c'est sur notre Discord. Voilà, si vous voulez sauver Chrono Trigger, si vous voulez faire sortir le jeu de votre cœur et qu'on en parle dans l'émission pour la saison 5. Allez sur notre Discord. Et puis au passage, vous pouvez passer sur le Patreon. Voilà, vous connaissez évidemment pour soutenir l'émission, pour nous permettre de prendre le temps de préparer tous ces épisodes. On a besoin de vous et c'est sur Patreon que ça se passe. Maintenant, on va pouvoir attaquer. Il y a un générique qui a été décidé. Oui. Alors, ce qui est marrant, c'est Salsa du démon, c'est ça que Maxime a proposé. Oui, je m'attends évidemment avec une espèce de parasitage à un moment, un petit piratage du truc. Le niveau des musiques, ce qui est à la fois étrange et particulier avec Diablo, mais de toute façon, on va revenir sur tout ça dans l'épisode, c'est que les musiques du 1 et du 2 sont beaucoup plus connues et restent dans la tête que celles du 3. Malgré tout, y a des thèmes quand même sympatouches dans le 3, donc je vais les suggérer et puis ça va vous permettre d'écouter un peu tout ça. Et on se retrouve donc juste après ça. Thank you. Alors, Diablo 3, c'est sorti sur PC le 15 mai 2012, c'est sorti sur console le 3 septembre 2013, et puis c'est ressorti dans l'extension, à travers l'extension Reaper of Souls, qui elle est sortie le 25 mars 2014. Voilà, trois sorties, en gros, pour ce jeu, qui est développé et édité par Blizzard. Mais, comme d'habitude, on va revenir un petit peu, justement, aux origines de la série, et ça n'a pas commencé avec Blizzard. Eh bien non, alors, il était une fois dans les années 90, 80, même 70, hein, non, voilà. Mais des... non. Mais si, si, si, bah, c'est des types de générations des années 70. Oui. Faut vous imaginer trois petits Américains. Vous avez déjà vu Stranger Things, voilà, des petits Américains qui faisaient du JDR, chacun dans leur coin, qui aimaient bien les trucs. Et parmi eux, il y avait un type qui s'appelait David Breivik, qui rapidement s'est tombé amoureux de l'informatique, il s'est mis à développer ses propres jeux, etc. Il voulait bosser dans le jeu vidéo, il a trouvé un truc. Plus tard, je vais me passer les détails, mais il a rencontré deux frangins, les frères Schaeffer. Rien à voir avec Tim Schaeffer, hein, c'est encore une autre écriture. Et tous les trois, en fait, à un moment donné, ils ont réussi à se réunir, ils ont monté un petit studio qui s'appelait Condor, et dans leur besace, ils avaient un projet d'un jeu Diablo qu'ils n'ont pas pu développer à ce moment-là parce qu'ils ont cherché des contrats à droite à gauche. Et c'est pas mal déjà, ça commence à trouver, on est pas mal. Hein. L'idée, c'était quoi avec Diablo ? C'était donc de faire un RPG comme auquel ils avaient l'habitude de jouer, mais de se focaliser vraiment sur le trucidage de monstres et la course au loot, en fait. Ouais, en gros, Breivik, lui, il aimait pas forcément les jeux à la Ultima, les choses comme ça. Lui, ouais. Il aimait bien tout ce qui était roguelike. Il cite souvent, je crois que ça s'appelle Armbound, ou un, qui est une espèce de rogue inspiré du jeu de Seigneur des Anneaux, ouais. Et du coup il aimait bien cette idée qu'on fait une aventure, on tue un monstre et c'est la triplette qu'on appelle porte, monstre, trésor, et ouais. En gros lui c'est ça qu'il aimait, et du coup il s'est dit avec un jeu qu'on pourrait faire au début en tour par tour, qui ressemblait un petit peu à du XCOM, on voudrait faire la même chose, pas d'histoire, juste on crée son héros, on va taper des monstres, on récupère des équipements et on remplit des jauges, parce que de toute façon remplir des jauges c'est la vie. Oui, oui, effectivement. Et alors en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il se retrouve donc à un salon, je crois, pour présenter ce jeu là et dans ce salon il y a une autre entité, donc c'est Blizzard, et c'est à ce moment là qu'ils vont rencontrer donc les gens de Blizzard et que Condor va devenir Blizzard North. Ouais, ça s'est à peu près passé comme ça. En gros, bah, ils ont essayé de proposer le projet à différents éditeurs, parce que du coup à l'époque il n'y avait pas encore tout le marché actuel, ouais. Et donc ils cherchaient quelqu'un, ils n'ont pas forcément trouvé, donc ils ont continué de bosser sur leur jeu d'à côté. Ils ont fait un, voilà, pour l'anecdote, ils ont fait un jeu de combat Justice League sur Mega Drive ou Super NES, oui, je sais plus ça, donc suis... tu peux te jouer avec Superman, Batman et tout ça. Et effectivement, ils ont rencontré les mecs de Blizzard. Alors, ils leur ont pas montré Diablo. Par contre, eux, ils ont pu jouer à Warcraft. Que Warcraft était sorti en 94 ou 95, ouais, un truc comme ça. Ouais, c'est dans ces eaux-là. C'est un des darons du RTS, même si c'est pas le premier. Et ils ont adoré. Ils ont vraiment kiffé le truc. Deux chez eux, parce qu'ils étaient tous les deux studios sont en Californie. Et un jour, ils ont appelé les mecs de Blizzard en mode vous voulez pas nous envoyer une bêta de Warcraft ? On a bien aimé, on aimerait bien y jouer. Ils leur ont envoyé pendant une semaine, ils ont rien fait d'autre. Et finalement, ils se sont discutés, ils ont rencontré, ils ont présenté le projet Diablo, ils ont accepté et effectivement ils ont été intégrés comme étant Blizzard North, parce que ben, Blizzard tout court c'est à Irvine en Californie plutôt du sud, et au nord je sais plus quel est le bled où ils étaient, il y avait Blizzard North, tu vois, voilà, ils ont créé ça comme ça. Et Warcraft a un petit peu influencé le passage au temps réel aussi, du coup ouais c'est ça, parce qu'en fait du coup au début, comme c'était un jeu vraiment tour par tour, faut vous imaginer les vieux XCOM, donc quand ça s'appelait encore UFO, c'était ça qu'ils voulaient reprendre, c'est pour ça qu'on a une caméra isométrique, ouais. D'ailleurs. Et au début, Breivik, il voulait pas forcément faire un jeu au temps réel. C'est une anecdote qu'il raconte à chacune de ses conférences aujourd'hui. Tout le monde insistait chez Blizzard, et même chez Blizzard North, il y avait plein de gens qui disaient « Ouais, en temps réel, ça peut être sympa, on veut des jeux un peu plus dynamiques, etc. » Parce que Blizzard avait déjà cet esprit de faire des jeux pour tout le monde. Ils avaient déjà cette idée-là de faire des jeux assez grand public, accessibles. Et évidemment, bah, un jour, il s'est dit « Bon, ok, je vais tester. » C'est l'anecdote du « Il a testé ça chez lui, il prend son guerrier, il clique sur un squelette, le bonhomme, il arrive, il lui met un coup d'épée, ouais. Il y a un truc qui tombe au sol et il s'est dit c'est génial. Ça y est, on a trouvé notre truc, et donc c'est là-dessus qu'ils vont partir pour développer Diablo qui va sortir. Alors le premier, il y a un petit débat sur le truc parce que voilà, il est sorti début en janvier 97, genre le 2 ou 3 janvier, ouais. Mais on pouvait encore un peu le trouver peut-être le 31 décembre 96. C'est pour ça que parfois sur Wiki, il y a des petits conflits ouais. de date. Mais voilà, il est sorti à cette période-là, après une grosse période de crunch. Ouais, ils ont passé presque un an. Toute l'année 96 a été une année de crunch assez vénère, sachant que du coup, tu vois, quand on est à sortir ton jeu entre Noël et le 1er de l'an, ouais. Tu sais que ça s'est mal passé. Il y a des trucs, ils ont eu plein de retards, ils ont eu plein de problèmes. Il y a eu aussi des soucis avec Battle.net, puisque c'est le premier jeu qui va lancer Battle.net, qui était à l'époque le service multijoueur de Blizzard, qui depuis est devenu leur launcher, voilà, ça s'appelle comme ça aujourd'hui. Donc il y a eu beaucoup de soucis, et en fait, bah, comme les jeux à l'époque ils sortaient que en boîte, il n'y avait pas internet, il y a eu des magasins qui l'avaient dès la fin décembre, ouais. Et d'autres qui l'ont eu début janvier, donc au global on a tendance à dire que c'est sorti le 2 ou 3 janvier 97, voilà. Et c'est direct un gros carton pour eux, à tel point qu'ils vont tout de suite enchaîné sur le développement de Diablo 2. Ouais, c'est en plus même critique d'un point de vue critique, le Diablo 1, il a été ultra apprécié parce que c'était un jeu à l'époque, attention, on pouvait y jouer en 640 par 480, c'était grosse résolution. C'était la 4K de l'époque, quoi. Le jeu était effectivement très joli par rapport au standard, il y avait des petites cinématiques en vidéo, il y avait une cinématique d'intro en CG, machin. Donc le jeu a cartonné, beaucoup de gens s'y sont accrochés, surtout pour la partie multi, puisque du coup il y avait ce jeu en coop multijoueur qui occupait beaucoup de monde, et dans la foulée ils ont enchaîné effectivement direct, ils ont pris quelques mois pour souffler et ils sont partis aussitôt dans un nouveau crunch qui a duré du premier jour au dernier jour de production de Diablo 2. Ça a été un enfer, le développement de Diablo 2, ils ont retardé le jeu de plus d'un an et c'est sorti finalement en 2000. Et il y a eu l'extension après... En 2001, il y a eu Lord of Destruction. Et j'ai l'impression que c'est ça qui a fait ce que Diablo 2 est aujourd'hui dans l'esprit des gens. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un jeu qui s'est fait au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que Diablo 2 sort, bizarrement, l'accueil critique est un peu mitigé. Les standards visuels ont un peu évolué, donc il est plus au top comme il était avec le 1. Les gens disent, il y avait des petits soucis d'équilibrage, etc. Et c'est vrai qu'avec Lord of Destruction, ils ont apporté beaucoup de changements, et même sur la durée. C'est-à-dire que la plus grosse mise à jour de Diablo 2 est sortie en 2010, et elle a 2007 ou 2010, et elle a quasiment tout transformé. Donc il y a eu vraiment le jeu a continué d'évoluer avec le temps, et il a été très suivi. La dernière mise à jour de Diablo 2, c'est 2017, alors que Diablo 3 était sorti depuis 5 ans, et qui remettait à jour, il changeait des petits pachins d'équilibrage. Donc c'est un jeu qui a été très suivi et qui a été très joué. Enfin, c'est ce que je disais, c'est qu'à cette époque-là, c'était l'époque des cybercafés. Et donc tu pouvais te connecter. C'était un jeu qu'on pouvait jouer en coop, soit sur les serveurs officiels, soit en serveur un peu, on va dire, libre. Et dans ce cas-là, tout le monde trichait. C'est un jeu qui a eu une vie sur Internet qui a été très très longue et qui a marqué les esprits. Diablo 2, tu dis ça à beaucoup de gens, c'est l'alpha et l'oméga, quoi. Du coup, ils sont toujours chez Blizzard, mais Blizzard, ils ont d'autres plans. Ils ont des plans de conquête du monde. Et justement, Diablo et Diablo 2 vont servir un peu de base à un autre de leurs titres qui est World of Warcraft et qui va sortir en 2004. Et en fait, c'est le développement et s'occuper de World of Warcraft, ça va tout supplanter chez Blizzard. Et c'est ça qui va faire en fait que, à la base, normalement, Diablo 3 devait être direct rentré en développement. Et en fait, ça n'a pas vraiment été le cas à cause de World of Warcraft, quoi. Ouais, ils avaient plusieurs protos, dont un qu'on a eu l'occasion de découvrir il y a quelques années via des fuites, on va dire. Et effectivement, ils étaient déjà partis sur une autre idée avec Diablo 3. À cette époque, Blizzard a été racheté par Vivendi, de l'époque de Vivendi où ils faisaient du jeu vidéo. Et ce rachat faisait que d'un coup, chez Blizzard, ils allaient pouvoir commencer à toucher énormément plus de monde, ils avaient beaucoup plus de moyens, et donc a priori, les devs et les salariés pouvaient toucher beaucoup plus de thunes. Et notamment, les quatre hommes forts, on va dire, de Blizzard North, ils sont allés au culot en allant voir les patrons de chez Blizzard et Vivendi en leur disant, nous, on a fait Diablo 2, coucou, on vous a rapporté des millions, on voudrait toucher une plus grosse part gâteau, sinon on démissionne. Le type en face leur a dit, et alors, enfin, tu vois, genre chiche. Et donc ils sont barrés. En 2004, ça a été un sacré coup de tonnerre à l'époque, puisque du coup il y a eu David Breivik, les deux frères Schaeffer, et également Bill Roper, qui lui historiquement il venait de chez Blizzard, mais il a pris une place très importante dans Diablo 1 et surtout Diablo 2. Il participait à l'écriture, il faisait des doublages, enfin ça faisait partie, c'était un peu les quatre papas au final de Diablo 2. Et quand ils se sont barrés, du coup, forcément, Très rapidement, Blizzard North a fermé. Parce qu'ils ont essayé de continuer le projet, ils ont essayé d'intégrer le truc. Pff, ça n'a rien donné, donc ils ont tout simplement abandonné. Et puis surtout, entre-temps, effectivement, tu l'as dit, il y a eu World of Warcraft qui est sorti. Alexandre Astier, il a dit à quoi tu joues. Oui. Il y a eu Mr. T. Mr. T. Et il y a eu Ozzy Osbourne aussi. Ouais, je crois, voilà, tout le monde a demandé à quoi tu joues. Et en fait, tout le monde jouait à World of Warcraft. Donc pourquoi s'emmerder à faire autre chose? Parce que pour recontextualiser un petit peu, donc juste avant WoW, Blizzard, donc ça a gagné énormément de succès. Ça fait partie de la culture PC hein, avec Diablo, Warcraft et Starcraft. Et donc début des années 2000, il y a eu quoi? Il y a eu Brood War, je crois, qui a dû sortir en 99-2000, qui est l'extension du premier StarCraft. Il y a Warcraft 3, je crois, je sais plus quelle année c'est, mais. C'est 2002 ou 2003. Il y a eu Frozen Throne aussi, qui a dû enchaîner pas longtemps après. Mais on reste quand même. En fait, à l'époque, c'est très gros, et comme dit, ça fait partie un peu des incontournables PC. Mais avec WoW, on arrive vraiment dans ce qu'on va appeler le grand public. Hein, et de toute façon, tu l'as dit tout à l'heure, il y avait des publicités à la télé, et des publicités même locales, entre guillemets, nationales pour la France. Quoi. Et pendant justement, genre 6 ans, j'ai regardé, il n'y a rien d'autre qui est sorti chez Blizzard. C'est-à-dire qu'avant, tu regardais, ça enchaînait, tu vois, entre StarCraft, Warcraft, machin, Diablo et tout, il y avait vraiment beaucoup de sorties. Et là, en 2004, il y a WoW qui sort, et après, non, et c'était ça le vrai focus jusqu'en 2010 avec StarCraft 2, je crois. Oui, c'est ça, c'est StarCraft 2 qui brise un peu la pause, entre guillemets, parce que bon, il y avait évidemment des extensions. WoW, de toute façon, c'est un jeu qui est incroyable à étudier, parce que si tu dis, c'est un des premiers gros phénomènes grand public qui a touché. Tu vois, c'est pour moi, t'as des trucs comme Pokémon, World of Warcraft, Minecraft, Fortnite, tu vois, t'as des jeux FIFA, comme ça. Et encore, tu vois, Call of FIFA, ça commence à segmenter, tu vois, c'est-à-dire que c'est tellement grand maintenant que c'est des trucs qui peuvent cohabiter. Alors, mais c'est vrai que WoW, c'était taré. Pendant des années, tu sais, t'avais des gens, tu voulais les inviter le vendredi soir, non, on a raid. Ta vie sociale s'organisait autour de ça, et étant un ancien no-life, tu vois, je vais pas leur reprocher, mais ce que je veux dire, c'est que ça, du jour au lendemain, à partir de 2004, j'ai eu plein de gens, je les ai plus jamais vus pendant 5-6 ans parce qu'ils jouaient à WoW. Pour revenir juste un petit peu sur les sorties, c'est peut-être aussi, ça leur a permis d'annuler des jeux aussi, c'est-à-dire t'avais StarCraft Ghost, je crois, qui était en cours, le fameux projet Titan. Je sais pas quand ils l'ont lancé exactement, mais c'est devenu Overwatch par la suite, mais voilà. En fait, il n'y a rien qui s'est concrétisé pendant ces années-là, mais aussi parce qu'il y avait du blé qui tombait littéralement du ciel tous les mois. Entre 10 et 15 balles par mois, d'un coup, je crois qu'on est monté très rapidement à 3 ou 4 millions d'abonnés, on est monté en pic à 15 millions d'abonnés, et même encore aujourd'hui, on est toujours à 6 ou 7 millions, donc... C'est des gens qui payent tous les mois. Après, ceux qui jouent beaucoup, il y en a une fraction qui doivent payer simplement avec leur temps de jeu, parce que tu peux racheter depuis quelques années du temps, mais dans la majorité des gens, c'est des gens qui payent leur abonnement. Mmh. Puis en plus, ils les vendaient, les extensions. Donc t'avais des gens, le jour où il y a la sortie de l'extension, pouf, tout le monde achète Burning Crusade, pouf, et ils payent leur abonnement derrière, quoi. Mais du coup, Diablo 3, quand c'est que ça commence vraiment le développement de la version qui est sortie du coup en 2012 Alors, j'aurais pas exactement les dates en tête, parce qu'il a été présenté en 2008. Ouais. Donc, je pense que ça a commencé en 2006-2007. Ils ont essayé en fait de reconstituer une équipe chez Blizzard pour reprendre le projet Diablo 3 et le repartir de zéro. Ouais. Hein. Ils ont rien gardé des projets du vieux Diablo 3. Et donc, justement, tiens, micro parenthèse, le projet de Diablo 3 de l'époque, en fait, ça ressemble beaucoup à nos jeux modernes. Enfin, en fait, c'était un jeu à moitié multi, à moitié solo, avec des instancié, ça ressemble beaucoup à ce qui est devenu un jeu comme Guild Wars, à du The Division, enfin en gros c'était Destiny, un peu une espèce d'ancêtre des jeux service. Ils avaient l'envie de proposer avec Diablo 3 à l'époque une espèce de jeu comme ça, mi-multi, mi-machin, et en interne je pense qu'ils se disaient ça va un peu concurrencer WoW aussi, donc ils voulaient pas non plus partir dans deux directions. Et donc ça commence vers 2006-2007, ils ont quand même essayé de retrouver de trouver, tu vois, des gens très qualifié pour faire le truc. Ils ont filé la direction du jeu à Jay Wilson, qui était un game designer qui a fait ses armes notamment chez Relic Entertainment. C'est le studio qui avait fait des jeux de stratégie, Dawn of War, les jeux Warhammer 40 000, et aussi Company of Heroes, donc un type avec beaucoup d'expérience et qui savait ce qu'il faisait. Et ils ont été chercher également, comment il s'appelle, c'était Leonard Boyarsky. C'est ça. C'était un des auteurs de Fallout, donc ils se sont dit on veut une histoire, on voulait un peu rajouter une vraie histoire. De toute façon c'est ça, il y a toujours eu une opposition entre Blizzard North et Blizzard sur le côté il faut de l'histoire dans Diablo, les mecs de Blizzard North c'est là, on s'en fout, il y a écrit Diablo sur la boîte du jeu, qu'est-ce que c'est tu veux savoir de l'histoire. Plus Mais ouais, c'était vraiment ça la philosophie, c'est il y a le nom du méchant, enfin voilà, faut aller le tuer, voilà c'est tout. Et eux ils voulaient pas, mais bref, donc ils ont commencé à faire ça et ils présentent le jeu en 2008. C'est au moment d'ailleurs du rachat entre Activision et Blizzard, puisque Vivendi ça disparaît complètement du paysage vidéoludique. Et ils ont présenté ça à Paris, d'ailleurs. Voilà. C'était, il y avait un, je sais plus, il y avait un événement quelconque à ce moment-là. J'ai oublié le nom. Et donc voilà, première mais présentation. Mais ça n'a pas été un non, succès cette non, première présentation. Il y avait quand même des choses intéressantes en termes de gameplay, parce que d'ailleurs, ce qu'ils nous ont montré n'a rien à voir avec le jeu final. Mais très rapidement, il y a eu une espèce de levée de bouclier des fans. Je ne sais pas si vous les connaissez. Vous connaissez les fans de Diablo, des gens charmants qui disaient que le jeu était trop coloré, que ça ressemblait pas du tout à la direction artistique de Diablo 1 et de Diablo 2. Et très tôt, en fait, dans la production du jeu, entre 2008 et 2012, il y a eu régulièrement comme ça des espèces de petites frictions entre ouais. l'équipe de développement et les joueurs. Là, ce truc-là, tu te dis, mais ça n'a aucun intérêt, c'est des gens qui se plaignent sur Internet. Non, parce que deux jours après l'annonce à Paris, le directeur artistique de Diablo 3 a été viré. Et ils l'ont remplacé par quelqu'un d'autre. Bon, ils avaient déjà le moteur, ils avaient ouais. déjà tout, donc ils n'ont rien changé. En fait, c'est juste qu'ils ont dit, bon, bah, on vire un bouc émissaire et puis on dira que c'est sa faute. C'est ouf quand même, enfin, tu sais, on a l'impression que c'est un gouvernement politique où tu sais, il y en a un qui a fait, tu sais, on critique une direction, il dit que, bon bah écoutez, on vire lui, on fait un remaniement, tu sais, mais qu'est-ce que, enfin, tu sais, juste parce qu'il y a des c'est gens qui râlaient. C'est ça, bah de toute façon, c'est le... C'est ça qui est fou, c'est que tu vois, a posteriori, quand on sait aujourd'hui comment ça se passe à l'intérieur de Blizzard, tu dis bah ouais, enfin tu vois, c'est des gens, ils rigolent pas quoi. Ouais, c'est, ouais. L'univers du jeu vidéo, de toute façon, c'est pas la sécurité de l'emploi, hein, ça, c'est sûr que c'est pas trop le cas. Et donc gros backlash parce que le jeu est trop coloré. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, ils vont repartir sur quelque chose, mais en fait, ça va pas changer. Ils vont pas changer leur direction. Ils ont quand même glissé un espèce de petit pied de nez aux joueurs dans le jeu, parce qu'il y a un niveau secret où on tue des licornes et des petits cupcakes et des machins comme ça. C'est très coloré. Il y a des petits arcs-en-ciel, c'était un peu de genre, eh ben là voilà, maintenant vous l'avez votre niveau coloré. Donc c'est assez immature, tu vois, comme ouais. réaction. Et ce genre de choses, bon, évidemment, on n'en fait que creuser le fossé entre les devs et l'équipe. Et je pense qu'on va en arriver à la sortie rapidement parce que c'est de pire en pire après quoi. D'accord, ok. Bah, effectivement, du coup, bah, le jeu sort malgré tout, c'est quand même un sacré succès. Alors, déjà critique, on peut le dire, on est à 88 sur Metacritic, ce qui est quand même un bon score. Hein. Alors, c'est pas les 95, des choses comme ça, mais c'est pas mal. Et surtout, c'est 3,5 millions de joueurs en 24 heures. Ouais, bah, à l'époque, et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus forcément le record parce que bon, c'est plus compliqué, mais c'était à l'époque le jeu le plus vendu, le plus rapidement de l'histoire du jeu PC. Donc c'est vraiment la campagne de précommande, elle a commencé très en avance. Il y avait beaucoup de gens qui l'attendaient. Forcément, ça faisait 4 ans qu'il avait été annoncé, donc les gens, ils avaient eu le temps de se faire des idées sur tout ça. Et puis, il y avait un truc aussi avec World of Warcraft. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui étaient abonnés à World of Warcraft avaient une très, très, très grosse offre vraiment, enfin, où tu payais vraiment peanuts. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais ouais, c'était, vraiment, plus non plus. C'était vraiment ridicule. Et du coup, bah, ça leur a rajouté aussi peut-être 1 ou 2 millions de précommandes. Ouais, c'est même plus que ça. Hein. Je crois que c'était même 3 et quelques. Enfin, en gros, sur les 6 millions de ventes de la première semaine, je crois que c'était la moitié de gens qui avaient précommandé avec coup. Ouais. Donc tu fais ok. Et le truc c'est que ben ils n'avaient pas prévu qu'il y ait autant de gens. Et surtout il faut savoir qu'à l'époque ça paraît naturel aujourd'hui, mais Diablo 3 faisait déjà beaucoup couler d'encre parce que c'était un jeu qui avait besoin d'une connexion internet permanente. Tu pouvais pas jouer au jeu si t'étais pas connecté à internet. Donc c'était un DRM constant, ça a fait râler les gens. Et le truc c'est que ben, quand tu te prends 3 millions de personnes sur tes serveurs, ça n'a pas marché. Ouais. Les gens qui ont connu la sortie à l'époque en 2012, ils ont vu le truc. Ça s'appelait l'erreur 37. Tu lançais le jeu, ils te plantaient direct. Ils cherchaient pas à comprendre. Ils te renvoyaient au menu start. Ouais, tu pouvais pas te connecter. Il y a eu quelques jours comme ça qu'on a écrit une sorte de légende autour de la sortie de Diablo 3. Vraiment, beaucoup de gens se souviennent de cette fameuse erreur 37 parce que le premier jour, bah, on pouvait quasiment pas. Bah, il n'était pas possible de jouer au jeu pour des millions, des centaines de milliers de joueurs. Quoi. Bah, c'est ça. On était alors à l'époque, il y avait pas encore Discord, mais on était sur Teamspeak ou Ventrilo, et en gros, on était 10, on avait tous acheté Diablo 3, on lance, t'as quoi ? Erreur 37. Et du coup, bah, tu commences à parler de ta vie, ta femme, tes enfants, le temps qu'il fait, la bouffe, etc. Et tout le monde a vu ce truc-là, quoi. Alors, dans les faits, ça n'a pas duré si longtemps que ça. C'est quand t'écoutes les gens, évidemment, pour eux, ça a duré 8 ans. C'est ça. On n'a pas pu jouer pendant 6 mois. Avec, alors qu'en fait, non. En vrai, bon, ça a duré 10 jours, mais ces 10 jours ont été tellement chargés pour de un dossier, de machin, c'était... C'est une catastrophe. Ça a été une grosse, grosse catastrophe. Et... s'il y avait que ça, à la rigueur, tu vois, si le jeu derrière, il avait vraiment plu sur la durée, je pense qu'on aurait oublié ça. Mais malheureusement, il y avait encore une fois tout un tas d'autres problèmes. Je pense qu'on va y revenir à un autre moment. Par, hein, par mais la suite, en effectivement, gros, sur voilà. l'évolution de Diablo 3. Ouais. Donc bon, la sortie, ça a été une catastrophe. Par contre, aujourd'hui, on est quand même à plus de 30 millions, voire peut-être 35, 40 millions. Donc bon... Ouais, non, mais le jeu, il y a quand même un peu de blé qui est rentré dans cette histoire-là. Oui, le jeu est très rentable. Ça, c'est d'ailleurs ça qui est assez c'est assez terrifiant quand tu parles de Diablo 3, tu vois, selon le milieu dans lequel t'es, c'est là qu'on voit, tu sais, qu'on évolue dans des petites sphères, des petites bulles de niche de gamers, etc. Parce que pour plein de gens, Diablo 3, tu vois, c'est un jeu nul, qui a pas marché, etc., etc. C'est un des jeux les plus vendus, ouais. Tu vois. C'est le plus vendu de la série, ouais, Diablo, là, sans aucun problème, ouais. Mais même parmi les jeux Blizzard, ça fait partie des très grosses ventes de Blizzard, quoi. Le jeu est sorti sur Switch depuis, il est sorti sur toutes les consoles, enfin, ça marche bien. C'est comme les gens qui disaient genre, oui, PUBG, c'est un dead game parce que Fortnite cartonnait de fou, enfin, comme si tu as deux jeux, non, c'est impossible qu'il y ait deux succès en même temps, ça n'est pas possible. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que parfois on manque un peu de nuances dans les débats et dans les perceptions qu'on a, mais c'est pour ça, de toute façon, c'est pour ça qu'on le fait aussi dans l'émission, c'est toujours rappeler, voilà, les hommes mais pas les chiffres, grand poète Caris, et voilà, bon, plus de 30 millions de ventes, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, ça a quand même été une réussite pour ouais, Blizzard. Ça, c'est une stat de 2015, ouais, donc on sait pas, tu vois, depuis 7 ans, combien il s'en est vendu, parce qu'entre temps, bah, il y a eu le Nécromancien qui est sorti, il a une micro-extension avec un nouveau perso, le jeu est sorti sur Switch, il est ressorti dans des éditions spéciales, Play 4, machin, bref. A priori, terme de succès critique et de succès commercial, ça a été bien, mais malheureusement, on le verra rapidement, le jeu a quand pas... même, en fait, il y a quand même une vraie image sur long terme, il y a une image sur long terme qui est pas forcément ultra positive et Mais c'est vrai que sinon on peut vite fait le souligner, ça doit être un des rares ou seul en tout cas jeu Blizzard à sortir aussi sur console qui a connu vraiment alors parce qu'il y avait StarCraft sur Nintendo 64, mais à mon avis c'était pas le gros des ventes. Tu pouvais pas faire des gros APM et je crois pas qu'il ait marqué l'histoire plus que ça. Moi, le RTS, moi, j'ai d'abord connu ça sur console. Mon père, il jouait à Command & Conquer sur Sega Saturn. Oh là là. Donc, mais c'est vrai qu'après, quand tu te rends compte, tu te fais « Non, mais c'est pas designé pour ce périphérique-là, ça ne fonctionne pas. » Mais on viendra dessus, Diablo 3, ils s'en sont bien sortis sur la version console. Mais avant, on va rentrer dans l'histoire de ce Diablo 3. Pose-nous les bases, Benoît. Le lore. Allez, envoie-nous, dump-nous du lore. Non, bah, malheureusement, l'histoire de Diablo 3, c'est loin d'être son aspect le plus intéressant, parce que ça s'éloigne beaucoup d'esprit et de thème de ce que c'était dans Diablo 1 et dans Diablo 2. En très résumé, on est 20 ans après la fin de Diablo 2. A priori, on a viré les démons du monde des humains, mais évidemment, on le sait, ils vont finir par revenir. Descartes Kane, qui était un peu le pilier, le fameux écoutez-moi un instant de Diablo 1 et 2, il est toujours là, mais il commence à se faire vieux. Alors, il s'est dit qu'il allait adopter quelqu'un, une jeune fille qui s'appelle Léa. Ensemble, ils se baladent, ils font les bibliothèques, ils vont acheter des trucs à Gap, etc. Et ils s'installent dans une ville qui s'appelle New Tristram. Moi, je trouve ça déjà rien que là, tu te dis, mais c'est bidon. New York. New Amsterdam, New Hampshire, je sais pas. Parce qu'en plus, Tristram, c'était un bled où il y avait 4 maisons et une cathédrale. Par contre, il y avait une cathédrale pour 4 maisons. Ils ont fait une version cyberpunk qui s'appelle Néo Tristram. Ouais. Voilà, c'est que des néons, mais quand même des démons. Et bref, au tout début du jeu, il y a une météorite qui tombe justement dans cette foutue cathédrale. Je pense que les maçonnistes en avaient marre de la refabriquer. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive, nous, les Néphalem. Donc on est un peu des espèces de demi-dieux. On est à moitié des anges, à moitié des démons, à moitié des humains. Dans l'or, c'est une espèce de création, justement, des démons, machin. Enfin, c'est un peu. Si tu veux le lore. À la création, t'avais le ciel, les enfers. Voilà. Ok, voilà. Il y a eu un démon, et un ange qui sont tombés amoureux, ils ont voulu se barrer de ce truc-là parce qu'ils en avaient marre que les deux mondes se fassent la guerre. En fait, c'est Pocahontas. Roméo et Juliette. Roméo et Juliette. Bref, ils se sont barrés sur Terre pour se mettre à l'abri en fait des deux autres mondes. Et ils ont essayé de créer des trucs. Leurs enfants ont eu des pouvoirs énormes et ils ont eu un peu peur de ça. Donc ils les ont un peu limités, mais ça a quand même créé cette espèce de race un peu à part qui s'appelle les Néphalem, qui ont des pouvoirs très puissants. Et évidemment. Comme ils ont des pouvoirs à la fois angéliques et démoniques, ils sont plus forts que tous les autres parce qu'ils gagnent des niveaux. Et voilà. Parce qu'ils ont une barre, une jauge. Ils ont une jauge. Ils ont des jauges. C'est ça qui fait la différence. Et bref. Donc on incarne le fameux Néphalem. Voilà, ces Néphalem-là plus tard. Et en fonction de la classe qu'on choisit, on va évidemment mener l'enquête. On va aller visiter la cathédrale. On va se rendre compte que la météorite, c'était Tyrael, l'archange, évidemment, ultra méga classieux de Diablo 2, qui est devenu mortel entre temps parce qu'il s'est pris la tronche avec un de ses frangins au ciel. Et il a dit non. J'en ai marre d'être un ange. Ça me saoule. Vous êtes pas la vraie justice. Il est exactement. Déçu du tribunal. C'est l'archange de la justice. Et donc il s'est dit allez, je me barre, je deviens clochard. Et il a perdu la mémoire. Mais en fait, en le retrouvant, on nous apprend que il se souvient. Il y a une épée. Puis il y a des morceaux quelque part. Peut-être que si on refabrique l'épée, peut-être que je me souviendrai de qui je suis. Tu es scénariste. moi je suis narrative designer même. J'ai envie de dire maintenant. T'as dû en écrire des RPG JRPG. en mode oui, un truc cassé qu'on va chercher à plusieurs endroits. Mais c'est pratique, ça permet de faire balader un petit peu les gens. Oui, on se promène, donc, c'est bien. Dans ce milieu-là, il y a une sorcière qui va se mettre un peu au milieu, qui va parasiter un peu la progression. Donc c'est Magda, voilà, ouais. Elle va un peu. Elle veut évidemment ressusciter les démons parce que c'est toujours une activité comme une autre. On va récupérer les morceaux de l'épée, mais malheureusement, pendant ce temps, Magda, elle en profite pour retourner à New Tristram et on revient à ce moment-là et on assiste à la mort de Deckard Cain. Oui, c'est la scandale, fin. Trahison, vraiment. Blizzard démission. Ouais, non, mais c'est ça, c'est genre. Scandale, et après on est obligé de rester avec Léa et on va du coup poursuivre Magda. Donc là on va aller à l'acte 2, on est dans le désert, on va surtout apprendre qu'avec l'épée on, il oui, va retrouver on sait son, que voilà, c'est Tyrael et Tyrael lui dit attention les démons reviennent, il pose la main sur Léa et lui dit tu vois ce qui te dit ton papy, en fait c'était vrai, et là elle fait waouh c'était vrai waouh ouais, et du coup ça on fait a deux, besoin ça fait déjà 5 heures qu'on est en train de buter tous les démons du quai, mais elle y croyait pas. Bref. Et donc, on va effectivement se rendre dans la ville du désert Caldeum. On va demander de l'aide au petit empereur local, oui. Le petit enfant, qui va nous dire « Oui, alors il y a ça, il y a ça, il y a ça. » On va aller récupérer des informations sur la pierre d'âme sombre. Ouais. Ça, c'est une information qu'on a eue grâce à Adria, la sorcière qui est la mère de Léa et qui était le PNJ sorcière de Diablo 1. Tu vois, il y a toujours des liens entre les jeux. Hein. Il y a des connexions. Et donc, cette fameuse pierre qui contient les âmes des démons majeurs, ouais. En fait. Hein. Voilà. Ils sont 5 ou 7. Alors c'est un peu compliqué. Oui. Enfin, 3 démons majeurs. Ah oui, là, même le chiffre il est compliqué. Mineurs. Non mais il y a 3 démons majeurs. Il y a les majeurs, c'est Diablo, Baal et j'ai oublié et Mephisto, merci. Donc ceux-là on les avait déjà un peu niqués dans Diablo 2, donc ouais. On les connaît. Hein, surtout Baal, hein, si vous avez joué à Diablo 2, vous l'avez tué environ 6000 fois. Et donc on sait qu'on va récupérer cette pierre d'âme sombre et en gros l'idée c'est de continuer d'absorber les âmes des démons mineurs pour les empêcher de vraiment faire ça. En fait, la sorcière, elle est méchante. On le sait pas encore, mais on va se faire trahir. Ça sera l'acte 3, parce que du coup, on se dit, on récupère l'âme de Bélial. C'est le boss de fin de l'acte 2. Qui était en fait le gosse. Hein. Voilà, qui était à l'intérieur du gosse. Et du coup, il se transforme machin chose. On arrive donc sur le mont Ariat. C'est une zone très importante aussi dans le lore de Diablo 3. Mais... Là, c'est un autre gros démon qui s'est libéré. Voilà, c'est Asmodan. Qui s'est dit, je veux récupérer la pierre sombre, comme ça, moi, je les absorbe tous. Voilà. Et je deviens le super chef, démon. Celui qui aura le nom sur la jaquette du jeu. Voilà, c'est ça qu'il veut. Mais comme le jeu s'appelle Diablo 3, on sent qu'il y a une anguille sous roche, tu vois. Dès le début, on se dit, il y a un problème. Il y a un problème, ça n'a pas marché. On arrive à niquer Asmodan, évidemment. Oui. C'est pas le plus compliqué de tous. Et à ce moment-là, comme il y a suffisamment d'âmes de démons dans la pierre, Adria, elle en profite pour dire, elle enlève son masque Scooby-Doo et elle dit, je suis la méchante. Et, oui. Et en fait, elle a utilisé Léa, sa propre fille, depuis le début, et qui va servir de réceptacle au corps de Diablo. Et donc, elle lui donne la pierre d'âme sombre. Et là, Diablo devient le super démon primordial. Diablo, il a jamais été aussi puissant. De toute l'histoire de la diablotrie. Et du coup, il se met en route vers le paradis pour aller. Mettre fin. Parce que de toute façon, c'est ça. Il y a une guerre entre le bien et le mal, etc. Mais ça, c'est original, j'ai envie de dire. L'histoire infernale, tout ça. Le méchant qui revient toujours aussi. Ouais, non, mais c'est. Petit Ganondorf. C'est bien vu, c'est bien vu, c'est bien vu. Et donc. Ça a été très long, la préparation de cet épisode. Voilà, pour les gens qui connaissent un peu Diablo, un peu de soutien, s'il vous plaît. Non, mais bon, ils vont effectivement dans les cieux. Ils vont, Diablo va foutre le sbeul, mais en fait, le Néphalem, qui est encore une fois la race qui peut être la plus puissante, et on va régler le problème. Et ça y est, on refout Diablo dans la pierre. Et là, c'est fini. Mais non, évidemment que non. Parce qu'évidemment, les types, ils ont 3 mains gauches. Enfin, je veux dire, ils ont la pierre, ils font et la pierre elle tombe des cieux et elle part dans un nuage et c'est la cinématique de fin. Et après il y a Tyrael qui dit maintenant je vais redevenir le super archange, mais en mode mortel, attention. ouais à moitié, voilà, parce que la justice, mais oui, les humains sont plus forts, oui, nous on était aveugles, les archanges, c'est tout ça, ça. Heureusement qu'on a les Néphalèmes quand même. Et c'est la fin de Diablo 3. Quelle aventure avons-nous vécu? Shakespeare, rentre chez toi. Ça fait vraiment un final de film d'horreur, tu sais, où genre t'as battu le gros monstre et tout, et à la fin, il y a un œil qui s'ouvre quand même, qui bouge encore un petit peu. Et là, boum, crédit de fin. Voilà. Bon, l'histoire de Diablo 3, c'est un gros prétexte. Voilà, je pense que de toute façon, il faut le dire, là, vraiment, à ce niveau d'écriture, en fait, le jeu vraiment nous balade de point en point, chaque objectif, tous ces trucs, on en plaisante. Sur cette fameuse épée cassée en morceaux, mais c'est littéralement ça, c'est-à-dire que l'idée c'est de nous donner une raison quelconque pour aller à tel endroit, pour battre des monstres, ouvrir des coffres, porte, monstre, coffre, c'est vraiment ça. Mais là, quand même, dans l'écriture, on est vraiment, ça vole vraiment pas bien haut en termes d'écriture, c'est vraiment pas c'est... ouf, quoi. Même les dialogues et tout, ils sont assez mauvais, les interventions, je trouve, du personnage principal, c'est vraiment, c'est pas ouf du tout, c'est pas très intéressant à suivre, donc ça se skip, globalement. skip, tu vois. Bon, sachant qu'en plus, je suis avec les deux personnes qui ont un niveau de patience le plus élevé de l'histoire du jeu vidéo. Non, mais je comprends, parce que c'est vrai que l'histoire de Diablo 3, ce qui est assez fou, c'est quand t'entends Leonard Boyarsky parler de leur projet initial. Ils voulaient qu'il y ait, tu vois, ils voulaient faire une espèce de Fallout avec des choix de dialogue, des petites intersections dans l'histoire, des trucs comme ça. Au final, ils ont fait un truc ultra linéaire. Pas du tout ça, du tout dans le jeu. Mais peut-être, c'est quand même tant mieux qu'il l'ait pas fait, puisqu'il y a quand même ce côté, bon, c'est une histoire qui essaie de s'adapter au jeu, hein, comme on a dit, de toute façon, t'es juste là pour buter des trucs, et même les mecs de base, ils disaient, mais non, on veut pas d'histoire, on s'en fout, et c'est un peu comme ce qu'on avait pu dire avec Vanquish, tu vois, où il y a... la place est quand même laissée à l'action, tu vois, en vrai, des dialogues ou des cinématiques, il y en a pas tant que ça, mais le peu qu'il y a, c'est plus un obstacle. Tu dis, bon, bah, c'est chiant, en fait. Après, je préférais qu'il n'y en ait pas et que je joue. Non, les cinématiques, ça c'est des récompenses. J'avoue que quand il y a le fight entre Tyrell, machin et tout, ça marche, tu vois. Moi, je trouve que les cinématiques Blizzard, c'était pareil avec StarCraft 2. Bon, quand même, ils ont cette réputation, Puis sur le chara-design, quand même, ils font un taf qui est toujours vraiment chouette, tu vois. Bon, alors là, la version Diablo, un peu meuf, bon, ça sent le Kerrigan un petit peu. J'ai l'impression que moi, il y a une parenté, un truc comme ça. Mais bref, moi, je trouve qu'ils ont. Ah oui, tu penses que ça ressemble à Kerrigan de voir là, bah, parce que Diablo là c'est quand même une version un peu féminine entre guillemets, tu sais, et avec c'est Léa, un peu mix, non, quoi. Ouais. Bref, en tout cas moi je trouve, tu sais, tu l'as à un moment, tu le vois se balader, tu sais, quand il rentre, j'ai fait waouh, c'est très du Kerrigan like, tu vois, dans l'apparence, hein. Et même je trouve que voilà, l'Archangel, les Protoss et tout, enfin je trouve qu'ils ont un chara design qui se reconnaît quand même un petit peu, je trouve, dans leur manière de présenter les choses. Mais bref, moi les cinématiques, enfin à chaque fois je les regarde et je kiffe, tu vois, il y a pas de problème, c'est toujours un gros kiff, parce que visuellement et puis même dans l'action et tout, ils font des trucs chouettes. Là, quand arrive Diablo et qu'il y a l'espèce de porte du paradis qui s'écroule avec le cristal qui souffle, enfin bref, il y a quand même des trucs chouettes. Ça envoie du pâté. Visuellement, voilà, ça envoie du pâté. Mais après, c'est vraiment sur l'écriture. Bon, on est à un niveau effectivement très prétexte, et de toute façon, c'est pas ça le jeu, quoi. Non, et surtout, bah, ça montre aussi, tu vois, c'est le genre de truc qui trahissent les soucis de développement du jeu, parce que ben, ils ont eu du mal à trouver la direction qu'ils voulaient donner à ce Diablo 3. Ils ont voulu, effectivement, tu vois, rajouter une histoire à une formule qu'on n'a pas besoin. Ça fonctionnait sans, en fait, tu vois. Ils ont rajouté des quêtes dans Diablo 1, vraiment à leur corps défendant, parce que les gens de Blizzard ont insisté en disant « Si, quand même, il faudrait une histoire, s'il vous plaît !» Mais ça marche sans ça, parce qu'effectivement, on est sur du jeu qui est plutôt... la formule de Diablo, on peut passer là-dessus, c'est vraiment un jeu qui est très accessible, très immédiat, et qui est vraiment très dans le plaisir simple de cliquer sur un truc sur son écran, ça fait des couleurs, ça fait du son, et ça remplit des jauges. Moi, je vois vraiment ces jeux-là comme pas grand-chose de plus, en fait. Hein. Ouais, bah c'est vraiment ça, la formule, et tu le disais, Blizzard, dès le début, ils avaient cette envie de faire des jeux grand public, des gens des jeux qui parlent à un maximum de monde, et c'est vrai que là, en jouant à Diablo 3, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment... Ouais, il y a une immédiateté, en fait, dans le gameplay, tu rentres tout de suite dedans, et tu sais, enfin, t'as une cinématique, et ça y est, ton perso, il est droppé, et même le jeu, comment il te fait comprendre, tu sais, si tu connais rien de Diablo, tu sais, t'as pas le choix, il y a un seul ennemi, ton perso, la seule chose que tu peux faire, c'est cliquer sur l'ennemi, et du coup, ça va attaquer sur l'ennemi, tu vois, donc il y a même pas besoin de tuto, il y a besoin de rien, tu rentres directement dedans, et le jeu, il a rien besoin de t'expliquer, c'est parti, tu rentres dans la boucle de Diablo, quoi, il y a pas de zéro intro, zéro tuto, on rentre directement dans le vif du sujet. Bah, Breivik, du coup, dans ses différentes conférences, il expliquait que lui, ce qu'il appelait, ce qu'il voulait faire, c'était le mom test. En fait, ce qu'il faisait, c'est que, en gros, il voulait faire un jeu, à l'époque, avec Diablo 1, et il voulait le filer à sa mère et qu'elle comprenne comment ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'ils sont restés sur l'idée de le faire à la souris plutôt qu'au clavier, parce qu'ils se sont dit, bah, c'est plus simple, tu pointes sur l'écran et tu peux jouer que à la souris. Diablo 2, évidemment, tu peux jouer avec le clavier, mettre des raccourcis, machin, mais c'est un jeu, tu peux très bien le faire uniquement à la souris, ça se passe bien, quoi. Et en vrai, même si tu mets des raccourcis ou quoi, il n'y a pas énormément d'input, en vrai. Tu vois, le nombre de boutons dont il y a besoin juste pour jouer, tu as clic gauche, clic droit, et après tu as 4 boutons, je crois, grosso modo, ça, sans compter les inventaires ou quoi, hein, mais juste en termes de combat, voilà, c'est pas. Bah, c'est pas limite, énorme, Diablo 3, c'est un des plus complexes, entre guillemets, parce que du coup, tu as les 4 touche de raccourci, ton clic droit, plus ta petite potion. Voilà, c'est tout. Ouais. T'as pas beaucoup de... Et encore, vraiment, tu vois, quand tu commences, t'as que ton clic, t'as pas les pouvoirs spéciaux, donc ça se débloque au fur et à mesure. Au fur et à mesure, donc tu dis, maintenant tu peux. Enfin, moi j'ai joué sur Switch, mais c'est genre, maintenant tu peux appuyer sur Y. Attention, donc voilà, tu peux le faire, et c'est vraiment au fur et à mesure comme ça. Donc effectivement, il y a une simplicité, et cette simplicité, elle est surtout, elle est complétée par un game feel qui est aussi quand même travaillé sur les, voilà, tous les effets des pouvoirs, des machins, c'est des encore des couleurs, hein, de partout, c'est vraiment des petits feux d'artifice comme ça. Et là, bah bon, moi j'ai pas été tant impressionné impressionné, j'avoue, mais je pense parce que le jeu, il a 10 ans quand même dans les pattes, donc peut-être que voilà, aujourd'hui, c'est pas aussi en termes de game film, ça m'a pas vraiment impressionné, mais peut-être qu'à l'époque, c'était stylé, et peut-être j'imagine que le 1 et le 2 aussi avait vraiment une différence. Tu parlais de graphisme tout à l'heure. Ouais, de graphisme et puis de son, quoi, parce que de toute façon, Diablo, dans l'esprit des gens, c'est. Enfin, même pour moi, c'est avant tout du son, parce qu'on en est à un stade où tu peux identifier des objets, tu sais ce que c'est juste à l'oreille, tu sais ce qui est tombé, tu sais que tu vois, t'avais le petit poc quand t'avais des petits crânes qui tombaient dans Diablo 2, le bruit de la thune qui tombe, c'est un bruit, voilà. Et tu sais, c'est vous qui en parliez dans votre vidéo sur GND, là, que j'ai regardé justement pour préparer l'émission. Tu sais, on est vraiment dans cette logique presque de casino, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté un peu toxique, addiction, mais par contre, t'as ce côté plaisir où tu cliques et on va te rentrer dans une petite boucle. Bah, il y a un côté un peu conditionnement en fait, tu sais, à t'habituer à des bruits, à t'habituer à des trucs. C'est pareil, quand moi, avec mon chat, j'ouvre la petite canette de pâté, il reconnaît, il descend, il sait. Et ben c'est pareil, dans Diablo, c'est des bruits comme ça. Okay, ouais. Mais en fait, c'est ça en fait, qui procure du plaisir, qui te met dans la routine du jeu et qui te fait rentrer vraiment dans la boucle. Et en plus, c'est un truc qui est très... il n'y a pas beaucoup de choses négatives. C'est-à-dire qu'on vraiment, on progresse. C'est-à-dire que le jeu, évidemment, il peut t'opposer une certaine difficulté. Tu peux choisir de jouer en mode hardcore avec ta suppression définitive de ton perso, etc. Mais Diablo, tel qu'il est pensé, tu peux très bien jouer. Et voilà, c'est un peu easy gaming, quoi. C'est très fluide comme ce truc. Et moi, je vous avais fait rigoler quand je vous en avais parlé la première fois. C'est typiquement le genre de jeu que je fais pendant que je regarde une série. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que sur mon deuxième écran, je mate une série parce que je rentre dans une espèce d'état de... Il y a une sorte de flow où moi, je dis un truc méditatif, mais tu sais, c'est juste que c'est calme, ça détend, je trouve. Tu sais, tu cliques à l'écran, il se passe des trucs, il y a des couleurs, de temps en temps, il y a un petit bruit un peu plus spécial qui fait... il se passe un truc un peu particulier. Ouais, en fait, tout est prévu, en gros, parce que comme tu l'as dit, c'est un jeu qui va être centré autour des récompenses et de la progression. Et en fait, les surprises, elles sont que bonnes. En fait, t'as pas de mauvaises surprises, t'as pas de mauvais trucs qui va t'arriver. Et vraiment, que ce soit à court terme, moyen terme, long terme, tu sais comment ça va se passer, t'es tranquille, t'es un peu sur un rail. Hein. Après, comme tu l'as dit, c'est en dehors vraiment où tu vas être en mode très challenge, très hardcore ou quoi, où tu te poses des conditions ou quoi. C'est globalement, c'est l'expérience du jeu. Et je pense que c'est important justement de mettre ça, faire ce plaisir, cette simplicité sur le court terme, et en fait qui va être plutôt opposé sur l'objectif vraiment long terme. Et ça, c'est vraiment la richesse du jeu, c'est le côté build, c'est-à-dire, ok, en fait, ce que je fais là, au moment to moment, comme on en parle dans le game design, c'est pas très important, entre guillemets, par contre, ça m'emmène sur des choses où là, en fait, en tâche de fond, ton cerveau, il se dit, alors attends, je vais pouvoir avoir tel objet qui va pouvoir compléter tel pouvoir, et c'est ça, en fait, le principe vraiment de Diablo, c'est de dire, ok, quel est le build que je suis en train de fabriquer, et ça fait partie du plaisir, c'est cette vision long terme, c'est cette aspiration que tu as vers un objectif d'arriver au truc qui va faire le plus de DPS, parce que c'est ça. De toute façon, c'est un jeu fiche Excel, hein. Je veux dire, on en reparlera sûrement à un moment donné, mais des jeux comme Cookie Clicker ou des jeux un peu des idle games, etc., on retrouve cette même logique, c'est-à-dire que la difficulté augmente de manière progressive, les ennemis ils ont toujours plus de vie, toujours plus de dégâts, etc., et donc en fait c'est à nous de trouver les combinaisons qui font qu'on va toujours prendre le dessus sur ça et chercher cette caisse de puissance un peu infinie. Et c'est ça le plaisir du jeu, c'est vraiment, moi je trouve que quand je fais mes cours d'histoire du JV et que je parle de Diablo, j'en profite pour leur expliquer ce que c'est une boucle de gameplay, parce que là tu peux vraiment partir du truc le plus basique, tu cliques, il se passe un truc, et petit à petit tu vas aller vers une vision de plus en plus macro, à je crée un perso de A à Z et je vais essayer d'avoir le build le plus puissant, et entre temps il y a des tonnes de petites boucles qui sont imbriquées les unes dans les autres, ce qui fait que quand tu joues au jeu, t'es sollicité en permanence. Le Diablo 2 a été pensé pour être un jeu qui est rythmé toutes les X minutes, il se passe un truc, tu vas découvrir un nouveau lieu, un nouveau boss, tu vas avoir un petit objet, un petit coffre, un petit machin, et ce qui fait que t'es tout le temps engagé. C'est un peu la recette justement magique que beaucoup de studios voulaient pendant longtemps, et on le redira plus tard, mais c'est pas pour rien que cette recette-là a été reprise, et elle se retrouve dans quasiment tous les jeux, quoi. Parce qu'il y a ce truc où tu lances le jeu, tu crées ton bonhomme, et ça y est, t'es parti, il se passe des trucs. Et surtout, tu lances le jeu, tu vas le terminer, mais en fait, c'est pas ça la fin du jeu, c'est aussi un jeu qui se rejoue, parce que autant l'histoire, oui, elle a une finalité, il y a une boucle, un arc qui est clos, mais par contre le gameplay, lui, un premier arc, ce n'est jamais qu'un premier arc dans ta progression, parce que ton build il se termine pas en une campagne, c'est va falloir refaire une fois, deux fois, et après il y a les modes aventure, etc., et c'est comme ça que tu vas enrichir vraiment pour arriver au truc optimal. S'il y en a un, il y a un truc optimal. Ouais, dans Diablo 3 il y a quand même une limite haute au bout d'un moment. C'était plus compliqué de l'atteindre dans Diablo 2, mais parce que le jeu était beaucoup plus complexe dans les possibilités que tu avais justement d'objets. Il y avait tellement de paramètres à prendre en compte. Tu pouvais, t'avais cette impression de, que c'était presque infini comme montée en puissance. Et ouais, dès Diablo 1, en fait, le jeu proposait trois modes de difficulté, mais tu les débloquais pas. Tu vois, c'est pas comme un jeu, tu joues en facile, normal ou difficile. Oui. C'est, tu finis une fois, ensuite tu as le deuxième mode, tu le refinis, et ensuite tu le refinis une troisième fois. Et après, ben, tu peux quand même continuer parce que tu peux refaire les mêmes choses en boucle. Tu peux retourner tuer des boss, tu peux retourner faire des quêtes, des machins. Parce que quand tu arrives au niveau max. Non, alors pas dans Diablo 2, pardon. Là, je suis toujours sur Diablo 1 et 2. D'accord. Tu vas juste refaire en boucle des niveaux qui peuvent te dropper des bons trucs, puis tu vas continuer de gagner de l'XP. Parce que même une fois que ton bonhomme il est au niveau max de l'XP, ben, tu peux continuer de trouver des meilleurs objets, des meilleurs machins. Ce que tu peux plus gagner avec des stats, tu vas le trouver avec des objets un peu plus puissants, un peu plus opti, etc. Et oui, dans Diablo 3, après, par contre, voilà, là, ils ont vraiment complètement changé d'approche sur la difficulté. T'as des, t'as 18 ou 19 modes de difficulté qui se débloquent petit à petit. Oui, petit à petit, parce qu'au début, tu peux mettre que, t'as que 3 niveaux de difficulté parmi lesquels tu peux choisir, qui sont globalement assez faciles, hein, ça on pourra y revenir plus tard, mais effectivement c'est à chaque fois que tu termines le jeu, t'en redébloques un ou deux, et bah, comme tu l'as dit, c'est des jeux qui sont pensés pour être refaits, et ça c'est vrai que, bon, c'est pas pour rien qu'il est dans la blacklist, tu vois, moi par exemple, c'est parce que c'est une philosophie de jeu, tu vois, c'est quand même une certaine philosophie, moi c'est un truc que j'aime pas du tout, puisqu'en général, bah, dans un jeu, ce que je vais apprécier, une bonne moitié du plaisir, voire plus, c'est quand même la découverte, tu vois, découvrir le design des ennemis, la patte, l'histoire, etc. Et on avait déjà pu en parler avec Devil May Cry, par exemple, qui lui aussi est un jeu qui ne débloque pas un certain niveau de difficulté, à moins d'avoir déjà terminé le jeu une fois, où il va dire, bah là, le vrai jeu commence. Et moi, je suis... bah non, en fait, moi, le jeu, enfin, j'ai déjà fait quand même une grosse partie du jeu. Alors oui, j'ai peut-être raté l'opportunité de faire des combos et tout, parce que, bah, de toute façon, tu les achètes pendant le jeu, hein, les combos, les moves et tout, ou même des persos. Mais... j'ai pas envie. En fait, quand j'ai déjà terminé le jeu une fois, le renouvellement est pas suffisant, en fait, pour moi, pour me donner envie de rejouer. Et bon, et c'est vrai que là, dans Diablo, c'est un des piliers, quoi. Bah, pour moi, c'est, surtout que c'est une échelle vraiment supérieure à ce qu'est Devil May Cry, parce que Devil May Cry, bon, tu fais une fois, en vrai, t'as quand même joué au jeu, tu vois. C'est que tu vas en version plus dure, tu vas avoir quelques pouvoirs en plus qui vont t'emmener, et après, logiquement, ça y est, t'as quand même fait le tour. Là, Diablo, une fois, deux fois, en fait, c'est pas grand chose à l'échelle de Diablo. Ouais, et puis en plus, le jeu a beaucoup évolué au fil du temps, donc nous pour l'instant on parle quand même uniquement de Diablo 3 Vanilla, c'est-à-dire vraiment la version pré-Reaper of Souls, où bah, en fait tu le finissais trois fois, alors bon courage déjà parce que la difficulté était horrible, mais après il n'y avait plus rien, c'est-à-dire que là au bout d'un moment le jeu effectivement s'arrêtait, il n'y avait pas ce côté infini comme on pourrait avoir dans d'autres choses. Mais voilà, ce côté philosophique, c'est vrai que si tu le sais pas dès le départ et qu'on te l'a pas dit, je peux comprendre que ça choque parce que ben, tu t'attends pas à ce que... ça fait partie de ces rares jeux où effectivement le vrai jeu, entre guillemets, commence plus tard, quoi. Du coup, pour revenir un petit peu sur Diablo 3, on peut peut-être parler un peu de la version console, parce que ça aussi, en fait, c'est, elle a eu une influence assez vite sur comment a été foutu Diablo. Alors déjà, bon, comme tu disais, Max, c'était un peu inédit de sortir une version console de ce jeu. Et là, je crois que c'est avant la sortie du jeu, ils avaient déjà prévu qu'ils allaient le sortir. Ouais, ça c'était prévu. Ils ont mis une équipe spécifique. Alors je me souviens plus du nom du mec. C'est Josh Mosqueira, c'est ça? Ouais, Josh Mosqueira, qui était un gars de Relic aussi, en fait, qui était un ami, enfin un ancien collègue du coup de Jay Wilson, et il l'a débauché de Relic pour le faire bosser sur la version console de Diablo 3. Sachant qu'en gros, à cette époque-là, on est entre 2012 et 2014, faut bien s'imaginer que l'ambiance doit être assez délétère au sein de Blizzard, parce que ben, le backlash sur Diablo 3 n'en finit pas, et il y a encore pas mal de choses à raconter là-dessus. Mais pendant ce temps, ben, l'équipe de Josh Mosqueira, ils sont face à une vraie problématique qui est comment on passe d'un gameplay clavier-souris, et principalement souris, à manette. Et donc, ils ont beaucoup de choses à revoir, évidemment en termes d'interface. Ça, ils ont fait un boulot pour rendre les menus accessibles avec le côté menu radial, qu'on arrive à comparer facilement les objets et tout. Ils ont fait, je trouve, un très très bon boulot de ce côté-là. Et surtout, ils ont réussi à transposer ce gameplay-là avec des sticks et des boutons, et en plus ils ont rajouté donc une petite roulade sur le stick droit qui rajoute, ben, en fait, qui fait que ton pouce droit il sert à quelque chose, et ça permet de rajouter un petit peu de dynamisme, un petit peu d'engagement en termes de gameplay qu'on n'a pas sur PC. Et ouais, et d'ailleurs ça va un peu dans le sens de ce côté, on avait discuté que en fait c'est un jeu avec la version console, moi je l'ai trouvé très casual, et pas en mode, c'est pas péjoratif dans ma terme, mais il y a un côté extrêmement facile en fait d'accès, comment je le disais aussi avec les tutos. En fait, c'est très... c'est vraiment simple à jouer, quoi. Alors aussi, je pense qu'on pourra parler de l'équilibrage qui fait que bon, c'est vraiment très très simple à jouer, mais ils ont fait de Diablo 3 une expérience qui devait être vraiment accessible, quoi. Ouais, ils voulaient que tout le monde puisse y jouer. C'était l'idée que, en plus, sur console, l'avantage, c'est qu'on peut y jouer du coup en écran partagé. Il n'y a pas une barre au milieu de l'écran. On joue tous les deux sur la même caméra. En fait, on peut pas trop s'éloigner l'un de l'autre, mais on peut jouer jusqu'à 4. Donc c'est quand même... Alors, c'est un bordel sans nom visuel, hein, 4, mais déjà à 2, c'est super sympa. Ça rajoute un truc en plus. Et ouais, avec cette version console, en plus de ça, ils ont continué cette idée de c'est toujours plus simple. Pourquoi ? Parce que bah, par exemple, tu as pas cette idée de tu peux pas faire d'erreur avec ton build. Dans Diablo 2, c'est le jeu qui a inventé les arbres de talent, hein, clairement, ce qui a vraiment rentré dans le marbre cette idée de il y a 3 arbres de talent par personnage. C'est là que tu vois qu'on mesure quand même l'importance d'un jeu dans l'ADN qu'il a légué, parce que ça, enfin vraiment aujourd'hui, c'est un truc, c'est caricatural. Et en fait c'est Diablo quoi. L'autre exemple que je donne souvent, c'est le coup du point d'interrogation ou du point d'exclamation sur la tête des PNJ. Tu vois ça, quelqu'un dans la rue, tu sais qu'il va te demander d'aller tuer des poules. Aujourd'hui c'est un code en fait qu'on a intégré, mais vraiment dans notre grammaire, dans la façon dont on discute, qu'on communique avec les jeux, quoi, comme on les comprend, comme on les lit, et c'est Diablo qui a inventé ces trucs là donc ils ont effectivement une énorme influence. Et du coup, avec Diablo 2, bon, c'était quand même assez compliqué parce que tu pouvais faire des erreurs, tu pouvais investir des points dans une stat dont tu n'avais pas besoin, etc. Donc, c'était possible de rater, entre guillemets, un personnage. Là, avec Diablo 3, ils ont pris une autre philosophie, c'est tu débloques tous tes skills au fur et à mesure et quand tu arrives au niveau max, tu les as toutes. Après, ben, à toi de faire le panachage en fonction des objets que tu veux utiliser et globalement des skills que tu aimes bien parce qu'ils sont jolis ou parce que tu les aimes bien pour une raison X ou Y. Donc, ça, il y a ce côté, effectivement, ça, c'est très simple. C'est une vraie philosophie, tu vois, c'est un vrai choix de design parce que moi, c'est vrai que ça m'a surpris ce côté ne pas avoir à choisir dans quoi j'investis mes points. C'est vrai que dans même en plus, tu vois, on parle du fait que Diablo investit des trucs, je sais pas, je pense à Horizon comme ça, avec ses arbres de talent, bah c'est toi qui choisis où c'est que tu as investi tes trucs. Ça, c'est quand même un choix de design assez étonnant, le fait que tu puisses vraiment panacher comme tu veux et que ça se débloque eux-mêmes, c'est eux qui décident. Et finalement, tu choisis quand même, mais c'est un autre type de choix. Choisis. C'est pas un choix engageant, pas un choix où il y a un risque en fait, en se disant, bon, bah, attention, je peux me planter. Et du coup, c'est vrai que du coup, t'as peut-être moins ce besoin de réfléchir et de te poser un peu devant ton arbre, de dire, ok, vers où je vais aller, comment je me pose des questions. En fait, là, en jouant à Diablo 3, je me suis pas vraiment posé ces questions que je trouve quand même intéressantes à se poser quand je me lance devant un arbre de compétences, quoi. Et ça, bon, bah, ça fait partie des. C'est à la fois une réussite parce que ça rend le jeu plus accessible et forcément pour beaucoup de gens qui voulaient retrouver une expérience Diablo avec des choix et des conséquences, en fait. Parce que c'est que là, tu fais un choix, tu dis, ah, oh, bah, c'est nul ce skill, c'est pas grave, tu retournes en ville. Tu le changes et basta, il n'y a pas plus de conséquences que ça. Mais bon, par contre, c'est vrai que c'est pensé pour être très, très simple à prendre en main. Ils ont aussi revu et ils ont simplifié énormément la lecture des objets. Diablo 2, c'est le jeu où tu pouvais trouver les objets de fin de game, parce qu'en plus, tu avais un système de runes, c'était des lettres, tu fabriquais des effets en les mélangeant. Tu pouvais te retrouver avec un objet qui avait 15, 16 lignes d'effets. Et tu vois, et tu devais les comparer. Tu vois, tu avais deux objets avec 16 lignes, tu passais 4 heures, tu sais, tu t'envoyais tes amis, tu as fait une équipe pour faire en gros du brainstorming autour de ça. Tu fais un PowerPoint après. Alors ça, il nous faut ça. Il y a une conférence de Jay Wilson à la GDC où il expliquait un petit peu comment il avait repris le Diablo 2 et comment il s'était. Sur quoi il était parti pour faire le Diablo 3, et il disait ça, ce truc-là, on trouvait que c'était trop compliqué, quoi. Donc on voulait simplifier, et ils sont allés tellement à la simplification qu'avec, au fur et à mesure des mises à jour, aujourd'hui, il y a juste 3 stats que tu vérifies. C'est la puissance d'attaque, la robustesse et la régénération de vie. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment là que ça se joue. C'est là-dessus que ça se joue. C'est soit t'es plus fort, soit tu résistes un peu plus, soit ta vie, elle remonte un peu plus vite, grosso modo. Et après, évidemment, il y a des détails. Tu vas pouvoir réduire le cooldown des skills, tu vas pouvoir marcher plus vite, tu vas pouvoir avoir une aire d'effet plus grande. Bref, il y a des petites choses. Mais... L'idée, justement, ça va être ton build, c'est de gérer un peu ce triangle-là, de faire que justement tout se passe bien, que tu fais des DPS qui vont t'aider à te régénérer, etc. Donc créer des synergies, tout simplement. Hein. C'est ça le principe d'un build, c'est de créer des synergies entre des différentes compétences passives ou actives. Et voilà, c'est ça le jeu, entre guillemets. Ouais, ça fait partie du plaisir de créer son personnage et d'avoir l'impression de le modeler en fonction de nos choix au fur et à mesure. Et en plus, chaque classe, là, c'est un peu plus différent que ce que se faisait avec Diablo 2. Ouais, c'est ça. En fait, ils ont un vrai gameplay marqué. Pour moi, c'est vraiment l'aspect du jeu que je trouve le plus réussi, parce que c'était très compliqué, je trouve, de changer de cette règle. C'est pareil en termes d'interface, les deux petites boules, boule rouge, boule bleue, sais que le bleu c'est la mana, tu sais que le rouge c'est la vie, c'est comme ça, hein, c'est une loi. Et ils se sont dit, comment on va essayer de changer ça? Et en fait, là, chaque personnage a une façon de gérer son énergie, donc l'énergie qu'on va utiliser, sa ressource. Et le fait que ça change en fonction de tes actions, ça donne un peu un côté thématique à ton gameplay. Moi, l'exemple que je donne tout le temps, c'est le barbare. En fait, si tu continues de, si tu arrêtes de taper, ta jauge redescend. Tu dois être en train de taper constamment et ça colle en fait, tu vois, à l'idée, oui, à le côté fantasy du barbare, ouais, qui est genre brrr, un gros berserker, ouais, ouais, qui tabasse et qui tourne sur lui-même parce que le tourbillol, ça vient de là au départ. Et chaque classe, en fait, a ce style. Les Demon Hunters que tu as joué, ils ont deux ressources à gérer, ouais, en même temps. Il y a, je crois que c'est la colère et la... L'arcane, un truc comme ça. Je sais plus. Tu vois, c'est la classe que je joue moins. Donc, je crois qu'il y a la discipline et la colère ou un truc comme ça. Plus, j'ai et il y en a une des deux qui remonte facilement. Et oui, l'autre, qui a beaucoup moins de points, mais il faut la gérer. Et souvent, en fait, tu vas faire des espèces c'est de... Une... Oui, tu joues, en fait, deux. Je bouge mes doigts de gauche à droite, là. Vous les voyez pas. J'avais les deux boutons et effectivement, j'alternais. C'est des vases communicants. Voilà. Exactement, c'est vraiment un principe de vase communicant. Et ça, pour moi, c'est vraiment la grosse réussite du jeu, c'est-à-dire de moderniser un petit peu le gameplay d'un Diablo pour qu'on ait le vrai sentiment de jouer une classe différente en fonction de nos choix. Ça, je trouve que c'est la grosse réussite du jeu, et c'est pour ça que je le défends malgré tout, même si c'est pas une réussite globale. Et justement, on peut enchaîner. Je vais vous laisser, allez-y, lâchez les vannes. Parce que les premiers points... On est tous d'accord. Soit on n'a pas connu, soit on ne compare pas, parce que sur notre fameux plan, tu vois, le premier, ça va être fin de la génération procédurale des niveaux. C'est pas un truc qu'on peut comparer à Diablo 1 et 2, puisqu'on les a pas fait, mais effectivement, quand on regarde le truc, tu comprends qu'il y a un problème, puisque comme on l'a dit, une des philosophies du jeu, c'est de recommencer encore et encore. Et là, c'est littéralement, le level design n'a pas changé par rapport aux deux premiers où c'était de la génération procédurale. Au moins, ça change un petit peu. T'avais un petit peu de nouveauté à apporter dans tes nouvelles runs. Bah là, effectivement, déjà, je l'ai fait une fois et je me suis dit, mais en plus, il faut se retaper exactement les mêmes niveaux, les mêmes PNJ, les mêmes endroits. Bon, bah, c'est chiant. Moi, très tôt, je le dis honnêtement, moi, je pensais que c'était du procédural parce que je trouvais que c'était vraiment pas très bien. Voilà, je dois le dire d'architecture des niveaux et tout. J'ai trouvé ça vraiment d'une platitude assez. Bah, t'as beaucoup de niveaux. Énervé, moi, je me souviens de tous les niveaux souterrains dans Caldeum où c'est juste des putain de tunnel. Ouais, non, mais c'est vraiment. C'est genre, t'as un tunnel et de temps en temps, t'as une petite boucle. Même la cathédrale, c'est pas très marqué. Il n'y a pas de grosses salles qui sont marquantes et tout. Enfin, vraiment, c'est vraiment. Ouais, c'est basique. C'est de la soupe. Hein, c'est très basique. Level design, quand t'es à l'extérieur, c'est juste, tu te balades jusqu'à ce que tu trouves un chemin. Enfin, je longeais jusqu'à ce que je trouve un chemin. Ou alors, parce qu'il y a deux manières en général quand t'es dehors de trouver des trucs. Soit tu vas chercher un chemin qui te mène vers la prochaine zone. Soit tu cherches un point d'intérêt, justement, une ruine ou une cathédrale ou quoi, qui sera vers le milieu plutôt du coin, mais c'est juste ça, tu te balades, tu ratisses, et c'est des grands espaces remplis de monstres. En fait, c'est vrai que moi j'y suis allé, peut-être je pensais qu'il allait avoir un peu une composante exploration, mais en fait, pas du tout. Mais du coup, tu vois, c'est quelque chose dont je suis revenu, tu vois, où je me dis, bon bah ok, c'est pas ça le jeu, c'est pour ça que je le dis vraiment sans animosité quand je dis le level design est plat, mais c'est parce que c'est pas le projet en fait, on s'en fout, on n'est pas là pour. En fait, c'était le projet, mais ils y sont pas arrivés. Ils voulaient, tu vois, qu'il y ait vraiment une génération de niveau plus marqué que ça, mais ils y sont pas arrivés, quoi. Ils ont trouvé, alors je pense pas, tu me diras, mais je pense pas qu'il y avait ça à l'époque de Diablo 1 ou 2, mais ils ont trouvé un petit gimmick où t'essaies d'actionner, t'as des petites actions contextuelles où tu fais tomber des trucs. C'est mignon. C'est mignon, voilà, c'est vraiment mignon. Le fait que ça fasse des dégâts, c'est typique de Diablo 3. Dans Diablo 2, c'était tu tapais des pots, quoi. Tu vois, t'avais une animation où ils donnaient un coup de pied et tu donnais des coups de pied dans des tonneaux et des fois il y avait des trucs qui tombaient, des fois il y avait des squelettes qui en sortaient, c'était marrant. Mais là, je parle de genre couper une corne pour faire tomber un lustre. Non, ça c'est un truc très Diablo 3. Faire tomber des rondins de bois. C'est vraiment une petite idée, son invasion, l'implémente, bon, c'est terriblement anecdotique. Un autre gros point noir qu'on n'a pas forcément connu. C'est le point noir. Qui a vraiment perturbé la vie de Diablo 3, c'est ce fameux hôtel hôtel des ventes, attention, Atoel, comme l'endroit où on dort, pas un hôtel, genre une petite stèle, quoi. Donc c'était ce truc où on pouvait acheter des items, et là ça a été... En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce truc, ça vient de la volonté d'essayer de trouver un modèle économique, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors il y a deux choses il y a deux idées globales qui se chevauchent pour cette histoire d'hôtel des ventes. Il y a le truc, c'est que d'un côté, ils ont eu, avec Diablo 1 et Diablo 2, des gros problèmes avec le piratage, et particulièrement avec Diablo 2, avec le marché noir. C'est-à-dire que les farmers chinois de WoW, ils n'ont pas été inventés avec WoW, ils étaient là à Diablo 2. C'est-à-dire que tu pouvais acheter des objets, tu pouvais acheter des golds, tu pouvais acheter des pierres de Jordanie. Pour les gens qui ont joué à Diablo 2, vous savez de quoi je parle. Mais vraiment, c'était un truc qui plombait l'économie du jeu, qui leur faisait un mal fou, et ce marché noir, ils voulaient en venir à bout. Ouais. Et à côté de ça, ils se sont dit, on a un jeu qui s'appelle WoW, qui nous rapporte des pognon de dingue tous les mois, mais on va pas demander un abonnement à Diablo parce que ça va se voir qu'on est un peu trop greedy, donc on va essayer de trouver une manière de le faire, mais un peu différente. Prenons une part sur un petit commerce, on ouvre une petite place de marché, et ils se sont dit, on va faire du marché noir un truc interne. Marché blanc. Voilà. Et donc c'est, c'était... Coup, qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui s'achète concrètement Des objets. Tu pouvais, en gros, quand tu trouvais un objet, très facilement, hein, c'était tout con, hein, tu quittais le jeu et tu te retrouvais sur le marché, et là, à ce moment-là, bah, tu pouvais soit vendre pour du gold, donc de la thune in-game, soit vendre pour de l'argent réel, le Real Money Auction House, là, le RMH en anglais, on disait ça. Et là, en fait, ce truc-là, du jour où c'est sorti, bah, évidemment, c'était une très mauvaise idée, puisque bah, du jour au lendemain, Diablo, c'était plus un jeu, c'était un travail. En fait, tu pouvais commencer à vendre, acheter des objets, les acheter, tu vois, genre quelqu'un qui met un objet qui vaudrait $150 et en fait il le met à $40, il y avait 30 000 personnes qui étaient instantanément en train de le racheter, de le revendre et de le remettre à la bonne, au bon ouais. prix pour se faire du blé. Au bout d'un moment, ils ont développé des bots, évidemment. Pourquoi faire simple quand on peut faire des robots qui le font 1000 fois plus vite que nous? Et surtout, si ça a aussi bien marché, c'est parce que à côté de ça, l'équilibrage du jeu était pensé pour nous forcer pour à l'utiliser. Et ça, voilà. Et ça, c'est là le cœur, vraiment, c'est à ça que ça tient. C'est là que le divorce, il est consommé vraiment entre beaucoup de gens et Blizzard et Diablo 3 en particulier à cette époque-là, parce que bah, l'équilibrage du jeu faisait que vous avez trouvé des objets légendaires en éternuant oui. un peu ouais. fort dans votre partie. À l'époque, donc entre 2012 et 2014, trouver un objet jaune, c'était déjà l'apex de ta journée, c'était le moment clé de ta journée. Chérie, j'ai payé le loyer ce mois-ci, c'est bon. C'est ça. Et si l'objet jaune, il était pour ta classe, mais alors là, t'as gagné au loto. Ouais, parce qu'en général, tu ne trouvais pas des objets pour ta classe. L'idée, c'était justement de nous pousser à aller revendre, soit à des amis, soit à les filer, etc. Et donc, il y avait toute cette idée d'économie. Mais en faisant ça, ils ont tué leur jeu, littéralement, parce que, ben, au bout d'un moment, les meilleurs objets se retrouvaient évidemment vendus pour de l'argent réel, et personne n'a envie d'aller dépenser. Enfin, en fait, il y avait des gens, petite tu vois, il devait y avoir, forcément, il y avait des baleines qui devaient acheter ouais, des trucs, mais globalement, je pense qu'une grosse partie de l'économie était gérée par des robots. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une espèce de tu sais, c'est comme le marché des faux trucs, là, de la bourse, tu sais, t'as les vraies valeurs, le blé, l'or, les trucs comme ça, je sais plus comment ils appellent ça, tu sais, enfin, les valeurs spéculatives, non? Ouais, mais tu sais, ils ont une espèce d'autre marché avec des espèces de trucs qui existent pas vraiment, mais ils spéculent dessus. Bon, bref, j'ai perdu le nom, les gens nous le diront dans le Discord. Et donc, ce truc-là, il y a plein d'interviews. Je connais plein de gens qui se gagnaient un blé fou. Et effectivement, c'était pas que le loyer. Enfin, c'est des gens qui pouvaient gagner des sommes folles, 10, 15, 20 000 dollars chaque mois, juste à faire ça. Et en fait, ils faisaient tourner le jeu avec plein de robots, plein de machins. Et c'était bah, forcément, le jeu, il est mort. L'ancêtre des NFT, tout simplement. Ça, c'est beau. Voilà. Bah, après, en fait, c'était un marché financier. Parce que quand tu le dis, il y avait des bots qui rachetaient quand c'était en dessous de la valeur du marché qui mène. Ça existe sur les marchés financiers. Ouais. Mais pour en venir un petit peu sur comment est-ce que le jeu était. Équilibré, c'est parce qu'en fait il y avait vraiment donc le mode, c'est le mode Inferno déjà à l'époque, c'était le troisième mode de difficulté, voilà, et qui était extrêmement dur, et en fait il y avait un côté serpent qui se mord la queue, c'est à dire que il fallait, pour pouvoir le battre, des objets légendaires de ta classe très forts, sauf que ils n'étaient trouvables que dans ce mode, donc en fait il y avait un côté, il me faut des objets légendaires pour pouvoir trouver des objets légendaires, et du coup l'hôtel des ventes répondait à ça, où est-ce que je trouve des objets légendaires pour trouver mes objets légendaires, dans l'hôtel des ventes. Et bah forcément là c'est compliqué, il y a une formule de Jason Schreier dans Blood, Sweat & Pixels, parce qu'il y a tout un chapitre consacré à Diablo 3 qui est pas mal, où il disait après c'est quand il parlait de la rédemption, mais en gros il disait que là c'était un casino où vraiment Blizzard avait décidé, c'est la maison gagne toujours, où vraiment c'est l'hôtel des ventes ne bénéficie que à Blizzard et à personne d'autre, puisque l'équilibrage il est pensé par la frustration, c'est à dire on va te frustrer pour que t'aies envie d'y aller, et c'est plus tard quand ils le supprimeront et tout, ils ont en plus une philosophie, c'est le joueur qui gagne toujours, c'est à dire plutôt faire un truc en faveur des joueurs, quoi. Ouais, parce qu'ils ont fait, on y reviendra dans pas longtemps, mais ils ont fait un 180 total. Juste pour rester sur l'hôtel des ventes, ça a donné lieu à des périodes très courtes de quelques semaines, mais qui sont restées dans la mémoire des gens, et toi tu l'avais parlé parce que c'était assez rigolo. Donc pour les gens qui voulaient pas dépenser du vrai argent, bah il fallait dépenser des golds, et les golds tu les trouvais pas si facilement que ça, et rapidement on s'est rendu compte qu'il y avait un niveau, quand tu cassais tous les pots de la zone et que t'avais bourré tous les objets possibles pour augmenter les chances de trouver de l'argent, en fait en termes d'investissement de temps versus la thune que tu gagnais, c'était plus intéressant de casser des pots que de tuer des monstres. Et voilà. Donc, et ça a duré... En plus, c'est un des chapitres les plus courts, donc c'est vraiment une toute petite zone qui faisait quelques dizaines de mètres à peine, et moi-même, j'ai passé du temps. J'ai cassé des pots pour récupérer des golds, parce que juste pour s'acheter un pauvre objet jaune qui te permettait de passer un petit peu, parce que en fait, comparé à ce que vous avez connu, c'est inimaginable, mais en gros, vous imaginez l'acte 1 en mode inferno, donc le troisième mode de difficulté, ça va, c'est-à-dire que ton perso, il était capable de le faire. Tu rentrais dans l'acte 2, t'avais un premier, tu sais, vous avez peut-être vu passer rapidement des espèces de petits insectes qui t'envoient des petits papillons de poison. Le premier de toucher, t'explosais. C'est-à-dire que de toute façon, il faisait l'équivalent de 10 fois ton pool de vie. Donc de toute façon, tu te faisais tuer instantanément. T'arrivais à l'acte 2 de ce truc-là, c'était infernal. Donc il fallait. Ça s'appelle le mode inferno, Benoît. Ouais, non, mais là, il rigolait pas. Et comme à côté, on l'a dit, il y avait cette histoire d'hôtel des ventes, jouer sur la frustration, c'était contraire à la philosophie du jeu. Vraiment, là, c'était un truc qui allait pas du tout, quoi. Bah, c'est quelque chose qu'on a un petit peu accepté dans les jeux gratuits, dans les free-to-play, alors dans une certaine mesure, mais c'est vrai que en plus dans un jeu payant, tu dis mais le jeu payant me frustre pour que je dépense de l'argent. Ouais. Non, ça ne marche pas. Bah du coup, on peut peut-être passer à la suite à Reaper of Souls, qui va justement être ce fameux 180 dont tu parles. Ils vont tout simplement éliminer l'auction house, donc ça c'est fini, et ils vont repenser complètement l'équilibrage du jeu, en fait. Ils ont tout changé, enfin vraiment c'est du jour au lendemain, c'est un autre jeu auquel on a joué à partir du moment où Reaper of Souls il tourne, parce que déjà l'auction house est supprimé, ils ont supprimé la possibilité d'échanger des objets entre joueurs, c'est-à-dire que comme il n'y avait plus le marché, on ne pouvait plus échanger des objets, genre moi je joue le matin, j'ai trouvé un objet pour Hugo qui rentre du boulot le soir, je ne pouvais pas te le filer, si on n'était pas connecté au même moment pendant que je droppais l'objet, tu ne pouvais pas l'avoir, donc ils ont tué la partie économie du jeu qui était essentielle dans Diablo 2, mais à côté de ça, ce qu'ils ont fait, c'est que comme vous l'avez dit, ils se sont dit plutôt que de frustrer les joueurs, on va toujours les récompenser, et là c'est tu ne trouves que des objets pour ta classe et tu ne trouves que des objets toujours plus puissants. C'est vraiment, c'est devenu, on est passé d'un jeu quasi impossible à faire à un jeu beaucoup trop facile. Ouais, là c'est vrai que c'est vraiment, je pense qu'on peut parler un peu de notre expérience qu'on a eue avec Max là sur Diablo 3, ça nous a surpris. Alors moi j'avais lu sur internet qu'il nous conseillait de mettre le mode de difficulté maximale, donc c'est ce que j'ai fait, et en fait c'est vraiment, c'est pas que c'est une promenade de santé, c'est que j'ai l'impression que j'avais à peine besoin d'être là, en fait, c'est-à-dire que j'appuyais juste sur mon petit bouton, voilà, je faisais mes petites alternances avec ma Demon Hunter, parce qu'il faut quand même alterner. Parce que voilà, je regardais un œil sur la jauge, mais c'est vraiment tout ce que ça me demandait de faire en termes de génération de vie, de régénération pardon de la vie, et puis du loot, enfin j'ai déjà eu des trucs légendaires et tout, enfin en une heure et demie t'avais déjà des trucs légendaires machin, j'étais déjà bien stuffé, j'avais pas du tout l'impression d'avoir besoin en fait de grinder, parce que moi quand on présente Diablo je me suis dit bon ça va être un jeu de grind et tout, ça va être une longue progression et foot. Non, je suis rentré dans le jeu, tu roules littéralement sur le jeu, quoi. J'étais invincible pendant tout le jeu en gros, comme tu dis, tu trouves des objets, alors je sais pas, c'est peut-être dans Reaper of Souls, parce que moi j'ai fait Diablo 3 sans prendre l'extension Reaper of Souls, mais tu peux trouver des objets qui ne sont pas ta classe. Moi j'ai déjà trouvé genre des arbalètes ou quoi, c'est rare, disons que comme tu trouves beaucoup d'objets légendaires, ça arrive de temps en temps, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est du truc à vendre, et c'est tout. Et en plus, j'ai jamais eu besoin d'argent, j'ai jamais eu besoin d'acheter. Non, l'argent, ça pareil, sert à rien. Pareil, les potions, je m'en sers pas parce que ma vie, elle remonte tout le temps. Donc, je sais pas, j'ai pas compris, en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu auquel il nous fait jouer, là, le père Exerve. J'ai vécu un jeu, oui, j'ai senti qu'il y avait zéro intérêt, en tout cas pour juste avoir fait l'histoire de base, puisque justement, je sens qu'il y a ce jeu qui est centré autour de la récompense, du loot, de l'XP. Je suis invincible en fait tout le temps, j'ai eu aucune difficulté. Il n'y a pas d'incentive et de... J'ai pas besoin de devenir plus fort. Et j'ai pas de... En fait, je suis déjà invincible. Comme dit, je suis déjà super fort, donc je ne ressens pas ce besoin en fait d'avoir plus. Ouais, et ça c'est un truc, heureusement qu'on en a beaucoup parlé entre nous avant, parce que comme moi j'ai joué au jeu à l'époque et que ça fait une éternité que j'ai pas fait la campagne, même si j'ai beaucoup trop d'heures, je vais pas les dire, mais j'ai beaucoup d'heures sur le jeu, ça fait une éternité que j'ai pas fait ça. Donc moi, mes persos, ils sont tous stuffés, même quand je recommence une saison, j'ai le droit en fait d'aller directement dans le mode aventure. Donc le mode campagne, j'ai plus jamais touché, et donc je me rendais pas compte. Et c'est vrai que perdre cet intérêt d'un point de vue design, si tu ne donnes pas envie aux gens, si tu ne leur montres pas, pourquoi tu tues des monstres? Parce que tu vas devenir plus puissant et tu vas pouvoir progresser. Mais pourquoi la logique, elle est là, devenir plus puissant, c'est-à-dire il manque un élément essentiel de la boucle qui est de l'obstacle. Pourquoi je c'est ça et c'est vrai que vraiment on le dit, on a dû beaucoup en discuter, parce que nous on était en mode avec Max, c'était mais qu'est-ce que c'est que ce jeu éclaté, et en fait Benoît il comprenait, il y avait une incompréhension de se dire mais pourquoi ils s'ennuient, pourquoi ça marche pas sur eux, tu vois, parce que même si ok c'est peut-être pas forcément notre cam, il y a un moment où moi je me suis dit mais il manque quelque chose, quoi, et du coup vraiment je pense vraiment que l'équilibrage joue pour beaucoup, parce que j'avais vraiment l'impression que j'avais pas besoin d'être là, j'avais même pas besoin de vraiment jouer. Et là où la douille elle est vraiment vénère, c'est que, et ça c'est grâce à Max que je l'ai appris, c'est que si tu n'as pas Reaper of Souls, le mode aventure n'est pas dispo. J'étais persuadé qu'il l'avait filé à tout le monde, vu que c'est juste une modification, je pensais que c'était juste l'acte 5 qui était dans Reaper of Souls. Et donc là, je t'ai fait finir, je l'ai PL pour qu'il puisse finir la campagne. Oui, c'est pas le vrai jeu, on va finir le jeu. Mais oui, parce que je voulais qu'ils testent, je voulais que vous testiez le mode aventure, parce que du coup, là, on retrouve le côté répétition, on retrouve un peu, pas beaucoup, mais un petit peu l'esprit de Diablo, et c'est pas dispo. Donc en fait, t'avais juste la campagne, t'es là, mais du coup, c'est nul, enfin, vraiment, ça a aucun intérêt d'y jouer, quoi. Et en plus, oui, t'as que les trois niveaux de difficulté, en fait, qui sont tous extrêmement faciles, et vraiment, c'est pas un truc de vrai gamer ou quoi. Non, on n'est pas du tout dans ce délire-là. Oui, non, c'est vraiment très facile, c'est vraiment... De toute façon, c'est un jeu fichier Excel, donc en fait, c'est juste, toi, t'as deux chiffres qui s'opposent. Exactement. Si toi, ton chiffre, c'est 1000, et que le jeu en face, il est à 400, de toute façon, tu vas le rouler dessus. C'est les DPS, c'est vraiment... En fait, c'est vraiment ça, c'est bête mathématique, c'est vraiment sur... Si j'appuie sur A... Enfin, moi j'étais sur Switch, mais si tu cliques et que les chiffres sont là, voilà, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Y a pas besoin de. T'as pas besoin de. Il se passe rien en fait. Et vraiment, c'est ce que je disais quand on a commencé à discuter, c'est que je disais, il manque un truc fondamental d'engagement et de prise de décision pour que j'ai l'impression de jouer tout simplement quoi. Et donc c'est pas du tout en mode oui c'est trop facile parce que je suis trop fort. C'est pas du tout le cas. C'est vraiment que et c'est pour ça que je me suis dit, ça m'a fait penser, tu sais, vraiment à du jeu mobile, mais tu sais, vraiment bas de gamme, tu vois, je clique sur des trucs et il se passe des choses. J'ai fait le test ultime, un des premiers gros boss de l'acte 20, parce que pareil, moi je sentais que ça savait pas. Donc c'était soit le boucher, soit un autre, il y a un boss. Tu disais, il y avait le mum test, moi j'ai fait le wallet test, j'ai pris mon portefeuille, je l'ai posé sur le clic gauche de la souris. Donc tu mets juste le curseur sur le boss, tu poses un objet, et si tu restes appuyé sur le clic gauche, il vise tout seul. J'ai posé le portefeuille dessus, il l'a eu, tu vois, j'ai rien à faire, j'ai posé un objet sur ma souris. Un vrai gamer. C'est ça. Ce qui était posé, non, tu vois, sur le bureau, fois, j'ai pris. Mais c'est vraiment important de dire aux gens, voilà, c'est vraiment une histoire de chiffres, en fait. C'est vraiment une histoire d'équilibrage, de comment équilibrer le jeu, qui fait qu'il n'y a pas besoin, en fait, de se prendre la tête à faire des trucs de placement et tout. Et c'est pour ça que, tu sais, quand on me dit la promesse du build et tout, je dis, mais en fait, mais dès le début, il faut quand même, quand tu rentres dans le jeu, que tu aies cette perspective, que tu aies quelque chose à laquelle aspirer, quoi. Et là, truc, c'est que donc, dans Diablo 3, avec Reaper of Souls, le mode aventure, les failles et tout ce qu'ils ont rajouté, en fait, à partir de 2014, le challenge, le jeu, se met enfin à te mettre un mur dans la gueule, mais il arrive au bout d'un certain temps. Ouais. Donc, il faut quand même grinder pour arriver à un certain temps avec ces histoires de failles. Je ne vais pas détailler exactement comment ça fonctionne, parce qu'en plus, ça a beaucoup évolué au fur et à mesure des mises à jour. Mais en gros, ils ont proposé deux nouvelles choses. C'est le mode aventure. En fait, on voit les cartes de chaque acte, on clique et on a des missions à faire qui tournent en boucle. On va retourner dans des zones qu'on a visitées et à chaque fois, c'est une mission un peu différente. Quand on a rempli un certain nombre de missions dans une zone, on a le droit à un gros coffre de loot avec plein de récompenses et on peut continuer à enchaîner. Et après, il y a des failles qui, là, pour le coup, sont des niveaux qui sont vite fait généré procéduralement, hein, c'est vite fait vraiment avec les limites du moteur du jeu, de ce qu'il peut faire. Et le but, c'est du contre-la-montre, c'est d'aller le plus vite possible, remplir une jauge plus rapidement que celle du chronomètre avance, et tuer le boss à la fin, gagner des récompenses. En gros, quand tu fais une faille normale, tu chopes une clé qui te permet d'ouvrir une faille spéciale, et là, les mobs sont vraiment plus durs. Et là, à l'épreuve, l'idée, c'est de monter petit à petit, graduellement, dans des niveaux, dans les grifts, on appelle ça les failles supérieures, niveau 1, 2, 3, jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est 180 ou 190 quand on push à mort, on commence à aller là-dedans. Et à partir de 80, 90, donc tu vois, t'es déjà dans les niveaux de difficulté énormes. Là, le jeu, il faut que tu maîtrises un petit peu tes équipements, il faut que tu chopes les bons objets, etc. Ça reste simple. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand il y a une nouvelle saison, tous les X mois, le jeu repart de zéro, il te propose la possibilité de recréer un perso avec un inventaire vide et tu repars vraiment avec Walou sur toi. Moi, ça me prend 2 jours. C'est-à-dire que je lance ça le vendredi soir quand la ligue, ça c'est PO, mais la saison commence. Le dimanche, j'ai terminé et j'ai pas joué comme un taré. J'ai fini, j'ai fait toutes les récompenses, j'ai gagné tout ce qui était possible de débloquer. Donc, c'est trop court. C'est beaucoup trop court en fait. C'est beaucoup trop facile. Tu vois, et ça, malheureusement, ça ne fait que s'empirer. Et vous avez vécu une version encore pire de ça, quoi. En fait, le truc, c'est de se dire, moi, qu'on me promette, genre, Hugo, tu verras le mur dans 60 heures, ou pas dans 60 heures, mais genre, je peux pas, en fait, il y a pas de. S'il y a pas un minimum, un petit truc qui me donne un petit coup de tête à un moment pour que je me dise. À titre de comparaison, dans Diablo 2, typiquement, parce que je pense que c'est celui qui est le plus joué pour les gens qui nous écoutent, les murs, ils arrivaient très vite. Il y avait des boss assez rapidement. Dès le tout début du premier acte, à un moment, tu dois aller dans un cimetière pour tuer une archère qui invoque des fantômes. c'est dur, tu peux pas y aller en faisant n'importe quoi. Ouais. Faut quand même que t'aies des bons staffs. Et petit à petit, il y a vraiment des gros murs. Duriel, typiquement, un des boss de l'acte 2. Vous imaginez une espèce de verre dégueulasse qui a creusé des tunnels sous le désert. Tu rentres dans une salle, il y a un gros boss qui fonce à 400 km/h dans ta tronche. Et si tu ne peux pas encaisser ce premier coup, c'est mort, tu ne le passeras jamais parce que tu te le prends direct. Donc ça, tu vois, il y a des murs, il te dit bon, bah là, je peux pas y arriver, je vais farmer, etc. Ouais, mais ça. Là, il y a rien de tout ça. Donc voilà, en tout cas, ça c'est Diablo 3. C'est vrai qu'il y a eu un vrai virage, quoi, un retour en arrière pour quelque chose de peut-être un peu trop facile, trop dénué en fait de challenge en fait, qui va. Et là, c'est parce qu'on a zappé certains aspects et du coup, je vais revenir un petit peu sur le développement, enfin sur ce qui s'est passé après la sortie de Diablo 3. Je pense que la réponse était en rapport avec la violence du clash qu'il y a eu entre les gens. C'est-à-dire que quelques temps après la sortie de Diablo 3, un site, évidemment, comme Diablo 3 ne marchait pas, enfin c'est-à-dire qu'il se vendait très bien, mais tout le monde critiquait le jeu en permanence. C'était les forums de Blizzard à l'époque, c'était un enfer. J'ose même pas imaginer les community managers qui se faisaient bouffer à longueur de journée, les menaces de mort et tout. Et évidemment, quelqu'un a eu la bonne idée d'aller voir David Breivik et de lui dire: vous avez joué à Diablo 3, qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup, sa réponse, elle était toute simple, en mode: j'ai pas trop joué, j'ai trouvé des trucs intéressants. Tu vois, au début, il est un peu diplomate, en mode ni oui ni non. Et après, il dit: mais par contre, moi, là, ce qui me fait plaisir, c'est que ben, ils ont pas vraiment saisi l'im-sens du truc. Donc, ça veut bien dire que les gens qui font Diablo et qui ont fait Diablo 1 et 2, sous-entendu lui et ses anciens collègues, on était importants. Tu vois, les jeux vidéo, c'est aussi des humains avant tout, quoi. Et ça a été très mal vécu par les devs de Diablo 3. C'est normal, ça, c'est logique. Ils l'ont pris comme vraiment une grosse insulte dans leur tronche. Parce qu'eux, en plus, ils ont chié, ils ont crunché. Enfin, vraiment, la vie pour eux était difficile. Et donc, sur un petit groupe Facebook, il y en a un d'eux qui a linké cette interview en disant: tiens, j'ai l'impression qu'il y a un bus qui vient de me rouler dessus, tu vois. Et t'as Jay Wilson qui a répondu littéralement: fuck that loser. Tu vois, c'est genre qu'il aille se faire foutre, ce connard, quoi. Le mec qui a créé Diablo. C'est-à-dire qu'on en était au stade où Jay Wilson était tellement dans un état de détresse, abîmé, détruit dans sa vie professionnelle et personnelle à cause de ça, que genre il insulte le mec qui a fait la série dont il est responsable aujourd'hui, quoi. C'est des choses qu'on voit très rarement, hein. Sachant que donc Jay Wilson était donc le directeur sur Diablo 3, mais il a pas bossé sur Reaper of Souls. En tout cas, il a step down puisque c'est le fameux Josh Mosqueira qui a pris sa place, qui était responsable de la version console, comme on l'a dit, qui est devenu directeur pour Reaper of Souls. Et il y avait un truc que je trouvais intéressant, donc encore une fois dans Blood, Sweat and Pixel, où il dit que en fait, Josh, il avait déjà dû revenir sur certaines choses qui faisaient l'essence un petit peu de Diablo, ou en tout cas qui étaient des. Comme il bossait sur la version console, il a dû adapter certaines choses. Tu disais notamment la roulade, et je trouve il y a une anecdote qui était cool où il était un peu en confrontation quand il a dit: bah, sur console, on va vouloir bouger un peu, tu vois, on s'ennuie un peu dans les déplacements, c'est pas du clic, ce serait bien de mettre une petite roulade pour que ça change un petit peu le gameplay. Et bon, t'as un peu les vieux de la vieille qui disaient: bah non, parce qu'à très long terme, en fait, les buffs de vitesse vont être un petit peu moins intéressant. Et donc il y avait quand même vrai dialogue, tu vois, vraie discussion autour de ça, vrai débat. Et puis il y avait une tension en fait entre cette possibilité de gameplay et des stats qui allaient être moins intéressantes sur le long terme, et qui était un peu bah Diablo c'est comme ça, voilà. Et lui il disait: bah tant pis, écoute, on va sacrifier un petit peu le late game pour rendre les choses plaisantes dans l'immédiat. Et en fait il y a eu une certaine de sa part, enfin cette anecdote montre qu'il a fallu un petit peu aller à l'encontre des anciens de Diablo, et il a pu devenir directeur, en tout cas faire entre guillemets un bon job sur Reaper of Souls, parce qu'une bonne partie des critiques qu'on a sorties concerne Diablo 3 sans la version Reaper of Souls, qui est vraiment une extension payante et tout. Par exemple, moi je l'ai pas acheté parce que je savais pas, je pensais que ça allait être des classes de perso que j'allais pouvoir en prendre en plus ou quoi. Je me suis dit bah je vais pas non plus jouer toutes les classes pour le podcast, faut pas déconner. Mais bref, j'ai acheté Diablo 3 et donc j'avais pas le fameux mode aventure, j'avais pas certains trucs. Mais bref, le Josh Mosqueira, en fait, parce que Reaper of Souls est plutôt apprécié, en tout cas c'est un changement bienvenu. C'est vrai qu'ils ont réussi à sauver les meubles, c'est-à-dire que le Titanic était en train de couler. C'est ça, ouais. Et ils ont fait en sorte qu'il arrive jusqu'aux États-Unis. Il est dans un état, je n'ose même pas imaginer, mais voilà, il a traversé l'Atlantique. Et ça montre en fait la vraie problématique aussi de faire un Diablo 3, c'est-à-dire que bon, les mecs sont partis, hein, les responsables entre guillemets de Diablo 1 et 2, les leads sont partis, mais il y a toujours ce côté, quand tu fais un numéro 3, est-ce que tu fais la même chose? Est-ce que t'as peur qu'on te reproche d'avoir fait juste Diablo 2 en différent? Est-ce que tu veux apporter un petit peu de la nouveauté, changer des trucs, mais finalement ça risque de pas être apprécié par vraiment les fans? Et ça soulève d'autres questions. Tu dis, mais est-ce que les fans vraiment hardcore, est-ce qu'ils sont représentatifs de la communauté? Parce que comme on l'a dit, le jeu c'est vachement bien vendu, mais ceux qui gueulent, c'est les hardcore qui veulent peut-être un Diablo 2, qui auraient peut-être gueulé s'ils avaient dit ils ont repris des assets, ils sont faits. C'est un vrai bourbier. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est toute l'histoire des grandes licence. Ouais, c'est les situations où t'es en lose-lose. Tu vois, c'est pas win-win, c'est l'inverse. C'est quoi que tu fasses, de toute façon, tu vas perdre. Il y aura toujours des gens pour ce moment. Et en plus de ça, tu rajoutes à ça l'Auction House, qui était pas un truc qu'ils voulaient. Hein. L'équipe de Diablo, c'est un truc qui leur a été plus ou moins imposé. Ils voulaient pas forcément de ce truc-là et plein de soucis. Et effectivement, ça a donné une vie du jeu et surtout des personnes qui ont fait le jeu après, qui a été catastrophique, parce que Jay Wilson, donc en 2016, il a quitté Blizzard, mais il a pas fait que ça. Il a refermé toute la page de sa vie de développeur de jeux vidéo. C'est-à-dire que moi, je l'ai interviewé, je l'ai eu au téléphone, j'avais réussi à l'appeler quand j'avais fait mon bouquin. Il était adorable, il était super sympa. Il m'a dit c'est cool que vous parliez de Diablo et tout. Vous ne me citez pas. Je ne veux pas. Vous pouvez citer que les articles, tu vois, que les trucs publics. Vous donnez rien de la discussion qu'on a pu avoir, parce que je ne veux plus m'exprimer publiquement sur Diablo. Je ne veux plus en entendre parler. Je ne veux plus jamais faire de jeux vidéo. Voilà. Donc, t'imagines, on en est au stade où créer un jeu, ça a détruit un type qui était bourré de talent, parce que Dawn of War, c'est vraiment une de mes séries de RTS préférées que je trouve aussi réussie à mon sens que Starcraft. Alors que pourtant, il y avait quand même du challenge. Et puis surtout, il a fait du bon boulot sur Diablo 3. Tu vois, comme je le disais avec les histoires de gameplay, moi je trouve que c'est quelqu'un qui avait une bonne vision de ce qui pourrait être. Bon Diablo. Tu vois, il y avait quand même. C'était pas. Beaucoup de gens le détestent aujourd'hui et continuent de l'insulter pour des raisons, mais le type, il a été détruit. C'est vraiment genre, il ne veut plus parler de jeux vidéo. Aujourd'hui, il est dans un autre domaine, il fait complètement autre chose, c'est fini. Voilà. et puis surtout là, ce qu'on peut peut-être passer justement à la suite, c'est ce qu'aussi, du coup, il y a eu Diablo 2 là, Resurrected, et finalement, en fait, ce qui reste aujourd'hui de Diablo, c'est toujours ce fameux Diablo 2, et c'est. Enfin, c'est l'ombre 2, du père, tu vois. Voilà. Tu peux pas t'en sortir. C'est vraiment, tu vois, c'est je sais pas. Je vais avoir des images avec Son Goku et Son Gohan, tu vois, qui veut essayer. Le truc, c'est que tu peux pas. T'avais Diablo 2 et encore aujourd'hui, Diablo 2 pour des gens, c'est l'alpha et l'oméga. C'est vraiment le meilleur hack and slash ou Diablo-like de l'histoire de la création. Et on n'a jamais fait mieux depuis. Alors, je suis pas forcément d'accord avec ça. Le problème, c'est que quoi qu'il arrive, ils se tapent cette ombre-là. Et les gens qui font du Diablo aujourd'hui, ils avaient une pression de dingue de se dire, on doit faire mieux que Diablo 2, qui est un jeu qui a marqué durablement l'industrie du jeu vidéo, quoi. Aucun jeu, d'un point de vue, j'ai l'impression, critique ou commercial, s'est hissé à ces niveaux-là. Commercial, si, parce que Diablo 3 s'est vendu bien plus. Oui, Diablo 3. Mais dans l'imaginaire collectif et le côté critique et tout, oui, ça reste Diablo 2 la référence, quoi, ultime. Et ça a 22 ans, quoi, maintenant. Ouais, c'est ça. Et en plus, comme ils ont sorti l'édition remake, le Resurrected, il n'y a pas longtemps, du coup, ils donnent raison aux gens, parce que du coup, vous vouliez jouer à Diablo 2, voilà, on vous le redonne. Et du coup, ils font des petites mises à jour maintenant sur la version Resurrected, ils rajoutent des trucs, etc., quoi. Et c'est vrai que c'est cool, mais après, moi, j'y ai joué à Resurrected parce que je l'ai acheté, je suis un bon fan pigeon. Mais en fait, au bout d'une heure, j'étais là, mais je le connais, je veux dire, j'ai passé toute mon adolescence sur Diablo 2, c'est le même jeu. Parce qu'en plus, il tourne en dessous, hein, tu sais, c'est comme Halo Anniversary. T'appuies sur un bouton et tu vois le vrai Diablo 2, et t'appuies sur un bouton et bouffe, tu vois le joli Diablo 2 moderne. Donc, c'est le même jeu, ils ont pas changé assez de choses pour que ça justifie ça, quoi. Mais il y a une nostalgie très présente dans la communauté Diablo autour de ça. C'est parce que, en fait, ce jeu-là, tu vois, vraiment cette recette, tout ça, comme dit, d'un point de vue concurrence, ça n'a pas été dépassé. En fait, vraiment, il n'y a pas eu de ça, c'est la nouvelle référence, le nouveau truc, parce que tu as déjà, je sais plus si tu as déjà cité, mais que ce soit Path of Exile ou un Grim Dawn ou quoi, c'est des héritiers légitimes, on va dire, sachant que même à l'époque de Diablo 2, je crois qu'il y avait eu plein de clones ou quoi, mais personne n'arrivait. En fait, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est qu'il y a eu plein de clones, il a eu un impact énorme et tout, mais aucun jeu, à part les deux que je viens de citer, ont vraiment été retenus. Alors, tant qu'on est, j'imagine, d'autres encore. Après, mais c'est parce qu'en fait, c'est devenu un peu un genre de niche, quoi. C'est-à-dire que c'est un genre qui est ultra connu. Vous lancez votre. C'est ça qui est fou, c'est que vous lancez votre appli mobile avec tous les jeux à télécharger, que ce soit sur iTunes, enfin sur votre iPhone ou sur un Android. Des clones de Diablo, il y en a, je sais pas, 600 millions, non j'exagère, mais il y en a des dizaines de milliers à l'appel, même Ubisoft, Gameloft du coup avec Dungeon Hunter, qui est vraiment une reprise pompée, même les couleurs, les choix de direction artistique, c'est vraiment Diablo 3 pur et dur. Cette interface là avec les deux boutons, ils ont tout repris, c'est un canon dans le jeu vidéo, quoi. Et donc des jeux comme ça, il y en a plein, et ils ont jamais réussi, eux par exemple, à faire ce truc là et quand ils ont annoncé le Diablo 3 mobile, donc Diablo Immortal, vous vous en souvenez, parce que ça c'est assez récent, ça a été très documenté, il y a un type qui s'est pointé pendant la phase des questions en disant mais est-ce que c'est une blague le Diablo mobile, parce que il faut s'imaginer qu'il y a une population de gens, ils vivent frustrés de pas avoir de vrai Diablo 3 entre guillemets, de vrai successeur à Diablo 2 depuis une dizaine d'années, il y a des rumeurs comme quoi à l'époque il y avait Diablo 4 qui allait être annoncé, etc. En interne eux ils étaient pas prêts donc ils l'ont pas annoncé, et ils annoncent juste un Diablo mobile. Enfin, forcément, ça allait mal se passer. Tu oui, vois, forcément, c'est... parce que là, tu parles à une. Enfin, il faut se remettre un peu de sociologie. En plus, c'est comptoir, la BlizzCon, mais, tu sais. Tu te dis, bon, là, on parle à des gens, donc c'est des fans, ils étaient fans dans les années 2000, ouais, donc on va ils dire ont, qu'ils ont claqué leur PEL pour venir. Voilà, c'est des ça, gens ouais. qui ont payé voilà. pour venir. Donc on non, est tu sur pas une catégorie assez vénère. C'est sûr que ces gens-là, qui doivent probablement être tous être des PCistes de l'enfer, parce que bon, c'est quand même ça le public de Diablo 2, on va pas se cacher, et qui te dit, ouais, on va faire ça sur mobile, je pense que clairement, là, c'est. Oui, tu leur craches à la tronche, tu fais à peu près pareil. Le problème, c'est que c'est ça, c'est que eux, de leur point de vue, ils ont déjà l'impression qu'on leur crache à la gueule depuis une dizaine d'années et que Diablo, on l'a complètement abandonné au profit de Hearthstone, de Overwatch et de World of Warcraft, bien sûr. Ce qui est pas fondamentalement c'est juste faux, que bah, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Voilà, il y a des choses qui changent, voilà. Mais ce qui est d'un point de vue juste business, entreprise ou même création, et pas forcément un problème où tu vois Diablo mobile et tout. Enfin, c'est pas une mauvaise idée. Ce qui est une mauvaise idée, c'est de l'annoncer là à ces gens-là. Oui, en fait, non, là c'était un problème de timing. C'était juste un problème de timing parce qu'en plus pour y avoir joué, Diablo Immortal, c'est bien. Tu vois, c'est même probablement mieux que Diablo 3. Hein. Ils ont, à mon avis, ils vont réussir à faire un jeu qui sera plus sympa que le Diablo 3. Mais parce qu'il y a des gens, en fait, ils vont juste s'attarder, ils vont dire ah mobile, et ils vont dire c'est de la merde. En fait, ils ne veulent pas savoir ce que c'est. Ils vont juste dire c'est de la merde parce que c'est mobile et c'est pas Diablo 4. Après, c'est vrai que le côté s'il y avait des rumeurs Diablo 4 et tout, c'est le rêve. C'est comme quand t'attends Half-Life 3. Bon, plus maintenant, je pense maintenant, mais il y a des années et qu'on dit oui, on va faire Half-Life 2 mobile. Tu vois, effectivement, il y a un côté un peu en termes d'espoir. T'attends un truc, on te donne autre chose. Bon, mais voilà. Mais comme on l'a dit, ça sont en vrai, c'est probablement il y a une grosse part un peu toxique des gens, mais il y a une partie un peu. Il y avait des attentes, c'est un peu légitime. Qu'ils soient déçus, en fait, c'est pas un sentiment légitime. Clairement, je trouve, tu vois que Diablo mobile, quand je vois l'ADN de ce jeu, d'où ça vient, et quand tu regardes qu'est-ce qu'est le jeu mobile aujourd'hui, qui est du Diablo, tu vois, enfin, il y a tellement de choses de Diablo dans du jeu mobile que tu dis, ouais, Diablo mobile, it makes total sense, tu vois, c'est vraiment, c'est évident, c'est logique. Alors peut-être que ce jeu-là, il ne parlera pas, effectivement, aux gens qui étaient fans de Diablo 2, mais par contre, il y a une recette et une formule qui, clairement, pour un public mobile, va complètement matcher. Moi, en jouant à Diablo 3, j'avais vraiment l'impression de jouer à du mobile, hein. Honnêtement, surtout sur Switch, en plus, déjà dans une logique de mad. Non, et puis sinon, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait, il n'y a pas vraiment d'héritier de Diablo-like légitime ou quoi, de concurrent plutôt vraiment sérieux. Parce que finalement, ce qui a infusé le plus de Diablo dans la production du jeu vidéo, c'est plein d'autres systèmes en fait. C'est vraiment le côté du loot, hein, on l'a déjà évoqué, le côté vraiment récompense, feedback et tout. Bah, c'est quelque chose qui fonctionne dans plein d'autres types de jeux. Tu vois, tu avais mentionné le cookie clicker, où c'est juste en termes de gameplay, tu cliques sur un cookie, mais il y a ce côté récompense. Choses qui se remplissent, alors il n'y a pas de loot, je crois, mais le côté loot, tu vas le retrouver. Déjà, on a parlé de World of Warcraft, c'est déjà beaucoup ça, tu vois. Ouais, dans l'ADN des loot dans l'ADN des MMO, c'est là, et le fameux code couleur vert, jaune, orange, et après, parfois, tu passes par la case violet. Ça, t'as ça dans quasiment tous les Battle Royale, presque, dans les MMO, les services, tous ces Borderlands. En fait, voilà, Borderlands, c'est ce qu'on mettait un peu dans la vidéo, tu vois, c'est l'idée que ça y est, en fait, ce que la recette de fond, ce qui faisait tourner un peu la machine derrière Diablo, c'était tout ce loot et tout ce système-là. En fait, ça a pu se déporter sur d'autres genres radicalement différents. En fait, parce que Borderlands, c'est vraiment Diablo en FPS. C'est littéralement la même chose. J'en avais pas conscience parce que j'ai d'abord joué à Borderlands à l'époque, mais là, en y repensant, je fais oui, c'est vraiment Diablo en FPS. Et après, des jeux comme Destiny, enfin, c'est WoW en FPS, et du coup, WoW, c'était Diablo. Enfin, vraiment, il y a une généalogie comme ça qui se dessine et qui fait qu'aujourd'hui en fait la recette vraiment stricto sensu Diablo a perdu un petit peu d'aura au profit de jeux plus du TPS et du FPS qui sont les genres rois en fait, qui sont les plus joués quoi. C'est quelque chose qui va fonctionner avec plein d'autres genres, parce que de toute façon ils le disaient de base, ils veulent pas d'histoire. D'un point de vue mécanique, ça s'inspire de Rogue qui était on peut plus minimaliste, hein. En fait, à partir du moment où tu comblais les combats avec ton imagination, c'est juste hop, tu te rends compte c'était un univers peut-être plus fantasy dans ta tête avec des classes de perso quoi, mais oui, tu peux le remplacer par du FPS, par du TPS, avec plus ou moins de coop, plus ou moins de multi, et voilà, c'est bon. Comme Benoît disait, tu sais, c'est une boucle qui est simple, enfin, tu sais, c'est bien expliqué en école, quoi. Donc tu dis oui, tout, il y a plein de jeux qu'on peut faire avec ça, bien sûr. C'est quelque chose qui rentre dans les cases et de y a la eu structure des même du jeu. Tonnes de jeux, enfin, tu vois, on va pas les citer tous, mais il y a eu des tonnes de jeux qui sont évidemment rapidement arrivés après. Une fois que Diablo 1 est sorti, des Diablo-like, il y en a eu tout le temps. Tu vois, il y avait des trucs, il y avait des Nox, on a eu un jeu français qui était sorti, il y a eu Sacred, il y a eu Silver qui se jouait bizarre à la souris. Enfin, j'en ai testé des tonnes. Dans les plus connus, il y a Titan Quest, où là on jouait à l'époque de la mythologie grecque. Donc au lieu de taper des démons, on tapait des dieux. C'était God of War, quoi, ce jeu, Titan Quest, et ils ont encore des extensions qui sortent aujourd'hui. Les gens qui ont fait ça, ils ont fait Grim Dawn par la suite, qui a aussi beaucoup marché quand il était sorti et qui est très bien. Il y a eu après des trucs plus narratifs, il y a eu les Van Helsing qui sont vraiment orientés histoire, il y a eu des trucs que orientés chiffres, tout ce qui est Torchlight, tout ce qui est fait justement par des anciens de Blizzard de l'époque. Enfin voilà, et surtout le seul qui s'en est vraiment bien sorti, et on peut le citer parce qu'aujourd'hui c'est un peu le roi du Diablo-like par défaut, parce qu'il n'y a personne pour le détrôner, c'est Path of Exile, qui est sorti donc lui en 2012 sur une version un peu bêta alpha machin. Un jeu avec lequel tu as un rapport un peu amour-haine. Hein, je le déteste autant que je l'aime, hein. ça on peut le dire, hein. C'est vraiment un jeu que je déteste et que j'adore en même temps, parce qu'il est aussi nul qu'il est brillant. Mais et donc c'est sorti je crois en 2014 sur Steam, et à partir de là ça a cartonné, ça fait partie des jeux qui sont toujours les plus rentables chaque année sur Steam, et c'est vrai que c'est un jeu qui a un modèle économique qui pour le coup fonctionne, parce qu'en fait ils vendent des trucs cosmétiques, donc ils te vendent beaucoup de skins, de bidules, ils te vendent des emplacements d'inventaire, mais bon ça, c'est limite accessoire parce que c'est pas ça le gros du truc, mais voilà, et donc ils ont réussi ce que Diablo 3 n'a pas réussi, tout simplement, parce qu'en plus, même dans la direction artistique, dans les sons, dans les couleurs, ça ressemble beaucoup, c'est très dark, ça ressemble beaucoup à du Diablo 2, et bah, bien sûr, ça a attiré l'œil, donc beaucoup de gens jouent à Path of Exile. En plus de ça, aujourd'hui, le studio, donc c'est un studio néo-zélandais qui s'appelle GGG, qui a été racheté entièrement par Tencent. Bien sûr. Voilà, évidemment, ils étaient là, ils avaient des sous, ils ont fait hop, c'est pour vous. Et du coup, ils développent un Path of Exile 2 avec un vrai moteur graphique, avec des vraies ambitions, un scope beaucoup plus gros que ce qu'on pourrait imaginer. Ils mettent beaucoup de temps d'ailleurs à le développer, parce qu'on aurait dû l'avoir l'année dernière, mais bon, voilà, Covid, tout ça. Et ça pourrait potentiellement être un vrai concurrent, un Diablo 4, qui est une espèce de jeu, tu vois, en fait, c'est, une en fait, chimère qu'on attend. Pour l'instant, il est tout seul, Path of Exile. Ah, pour l'instant, il n'y a que ça. Hein, y a... Du coup, c'est là qu'on en vient. Est-ce que Diablo 4, alors on ne sait pas ce que ce sera, mais tu vois, c'est dire, est-ce que Diablo peut reprendre le moi trône, j'espère. Toi, tout ce que j'ai vu de Diablo 4 jusqu'à présent, parce qu'on a eu quand même pas mal d'images, on a vu, ils ont une communication un peu plus ouverte. Ils font tous les trimestres, ils font un gros article sur le site de Blizzard. D'accord. Où ils expliquent où ils en sont, leurs réflexions, les retours qu'ils ont en interne et tout. Et tu sens qu'ils partent dans une direction qui me semble plus saine et qui me semble plus en accord avec ce que devrait être selon moi Diablo. Et tu sens qu'ils savent ce qu'ils font. Le problème, c'est une autre chose, c'est que nos amis de chez Blizzard, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité du jeu vidéo ces dernières années, tu te rends compte qu'une bonne partie des gens qui étaient sur Diablo 4 ont été virés ou remerciés. Ils sont partis s'occuper de leur famille, parce qu'il y a tous les problèmes de harcèlement et de culture toxique qui ressortent depuis quelques années, et notamment Luis Barriga, qui était l'ancien game director de Diablo 4, qui a été viré, et également un des types qui s'occupait du gameplay, enfin je ne sais plus, donc ils ont quand même perdu deux têtes en fait, de leur hydre. Non seulement déjà il n'y a plus personne de Diablo 1, de Diablo 2, de Diablo 3 en fait, et en fait les gens qui ont repris le bébé, qui ont repris Diablo 4 au début, ça y est, il y a encore, enfin c'est encore un jeu qui a un développement chaotique qui est très long. De toute façon ça se passe pas très bien actuellement chez Blizzard, plusieurs licences, sachant que c'est, cette vague de départ plus ou moins forcé fait déjà suite à une première vague de départ volontaire aussi, parce que je crois que en 2016 plusieurs gens de Diablo 3 sont partis. Le game director de Diablo 3 et Josh Mosquera, donc directeur de Reaper of Souls, sont tous les deux partis en 2016 avec d'autres. C'est là qu'ils ont fondé Bonfire, je crois. Josh Mosquera, il a fondé Bonfire de son côté. Ils n'ont jamais rien fait depuis. Hein, c'est la fameuse malédiction Blizzard. Et puis, Jay Wilson, on l'a déjà dit, lui, il ne fait plus de jeux vidéo. Et tu as des anciens de StarCraft 2 aussi qui sont partis, qui ont un studio qui s'appelle Frost Giant, je crois, qui bosse sur RTS. Enfin bref. En fait, c'est marrant, tous les gens qui se barrent de Blizzard, ils veulent faire ce qu'ils auraient voulu faire chez Blizzard. Ouais, c'est ça. Et parce que ça c'est le truc, c'est dès l'époque de la fin de Blizzard North, ils ont remonté un autre studio, les mêmes, hein, Breivik, tout ça, ils ont fait un jeu qui s'appelait Hellgate London, qui était stricto sensu l'intégralité des jeux modernes, Service, Division, Destiny, c'était littéralement la même chose, mais ils sont sortis ça 10 ans en avance, et quasiment personne qui est sorti de Blizzard a réussi à vraiment transformer l'essai. Je crois qu'il n'y a que les gens qui ont fait Torchlight, mais Torchlight, c'est Diablo, hein, c'est la même chose, le studio qui a fait Hob depuis, mais voilà, tu sens qu'il y a une espèce de truc avec Blizzard, quand t'en sors, ils n'arrivent pas à faire autre chose derrière, quoi. Ouais, et puis bon, c'est un studio aussi qui a vraiment... bah, qu'à son ombre de son passé. Parce que enfin, Blizzard, c'est, enfin, tu vois, moi, même moi, dans, de pas mec qui a pas grandi avec un PC et tout, pour moi, c'était une légende, tu vois, les Diablo, StarCraft et tout, c'était vraiment des licences iconiques du PC. Ouais. Et aujourd'hui, bon, bah, Blizzard ont vraiment du mal. Alors, il y a quand même Overwatch et tout qui a continué à exister, il y a Hearthstone et tout, donc ils ont quand même des choses qui font du blé, il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est que vraiment, les noms qui faisaient Blizzard, tu vois, ces dernières années, ils ont perdu leur directeur artistique, je ne sais plus comment il s'appelait son prénom, mais Metzen, je crois, qui faisait partie vraiment des figures emblématiques. Ils ont perdu leur patron, ils ont perdu, enfin vraiment, ils ont plein de gens, voilà, qui étaient vieux, tout simplement, tu vois, ils en avaient marre, ils avaient envie de prendre leur retraite ou de passer à autre chose. Et du coup, ben, Blizzard, je pense que c'est une équipe qui a été renouvelée au fur et à mesure, et ils n'ont jamais réussi à retrouver cette espèce d'âge d'or qu'ils avaient à une époque, quoi. Et surtout, ben, avec tous les problèmes qu'ils ont eu, il y a eu la sortie de Warcraft 3, Reforged, qui a été une catastrophe, aussi, ça a été buggé de ouf, ça a été vraiment un enfer. Et du coup, tu sais, le fossé entre les fans se divise, s'agrandit. Il y a eu l'histoire avec Leon Cheng, là, je sais plus comment il s'appelait. Tu sais, le joueur chinois qui avait fait le truc pour parler de la... Ah oui, de pour Hong Kong, là. Pour la défense de Hong Kong. La façon dont ils ont géré ça était vraiment naze. Donc, ils ont pas du tout réussi à contourner le problème. Enfin... Après, ça, c'est un des trucs qui poursuit aussi pas mal Blizzard, c'est qu'ils ont jamais vraiment su s'installer de façon, comment dire, pérenne dans l'e-sport aussi. Ça, c'est toujours un virage qu'ils ont... Ils ont toujours eu du mal, tu vois. Parce qu'il y a eu StarCraft à l'époque, mais... À l'échelle c'était en Corée du Sud, donc c'est pas un truc mondial ou quoi qui rapportait énormément. Overwatch, ils ont essayé de mettre des choses en place et tout, ils ont passé des deals assez court-termistes, des exclusivités de diffusion par-ci par-là, bref, c'est... Bon, Overwatch aujourd'hui, c'est un jeu qui n'existe quasiment plus en e-sport, on en parlera peut-être un jour, mais StarCraft 2 aussi. Après StarCraft 2, c'est-à-dire qu'au début ils étaient hyper bien partis, c'était vraiment la référence e-sport de l'époque, mais League of Legends, il est arrivé, il a fait non, enfin c'est pas que on va pas faire genre c'est que League of Legend, hein, mais il a montré voilà, clairement le succès il était ailleurs, mais aussi parce que Blizzard gérait pas forcément très bien la partie sport. Mais sinon, parmi les nouveaux jeux qu'ils avaient pu sortir, déjà tu vois Diablo 3, bon c'était Diablo 3, ça a bien marché commercialement, mais c'est pas un jeu qui va s'installer vraiment sur la durée ou quoi. Il y avait eu Heroes of the Storm, qui est un MOBA qu'ils ont abandonné, et puis même de base, je veux dire, d'un point de vue créatif, c'est un MOBA avec des persos de l'univers Blizzard, t'es un peu dans le passé, tu vois, enfin tu copies des gens en étant le passé, voilà, c'est pas vraiment pour ça qu'ils étaient connus. Ça commence à faire la recette de Radas. À Hearthstone, ça cartonne, c'est clair. Alors aujourd'hui je sais plus trop, mais j'imagine que ça marche bien toujours, mais ça a cartonné en tout cas au moins à une époque. Bon, c'est l'univers de Warcraft et c'est un peu du Magic simplifié, mais pourquoi pas, très bien, c'était quand même bien. Et Overwatch, pour le coup, bon là c'était nouvelle IP, nouveau truc. T'imagines, c'était la première fois depuis plus de 20 ans qu'ils créent un nouvel univers. Ça s'inscrit dans les trucs un peu connus, mais en plus ils savent toujours bien faire. Moi je trouve que c'est Overwatch, c'est un super jeu. Mais par contre, tu sens que ce qui est rigolo, c'est que cette espèce d'image de Blizzard, tu vois, il y a Riot aujourd'hui qui essaye de reprendre ça, parce que ce qu'ils ont fait avec League of Legends et l'univers League of Legends avec la série Arcane, avec les dérivés de jeux, etc., c'est ce que Blizzard n'a jamais réussi à faire. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à transposer leur univers, leur IP dans d'autres genres, et en plus ils y arrivent. Parce que Arcane, c'est un gros carton sur Netflix. La série, c'était très réussi. Puis Valorant, c'est un autre jeu, c'est pas l'univers de League of Legends. Non, c'est une espèce de Counter-Strike slash Overwatch qui a priori fonctionne très bien. Ils ont sorti plein de petits jeux dans l'univers de League of Legends. Ils sortent un jeu de combat. Enfin, de toute façon, ils développent plein de trucs. Ils développent une espèce de MMO avec son RPG. Beaucoup de gens, je me suis amusé à regarder, mais c'est vrai que le truc Blizzard vs Riot, ça a dû se passer. C'est une entreprise qui a un peu cette même ADN, qui va se mettre sur les mêmes trucs et en fait qui fait ce qu'on espérait peut-être ou ce qu'on pouvait attendre de la part de Blizzard. Mais peut-être pour revenir un petit peu, terminer sur Diablo, c'est vrai que il y a le 4 qui va arriver. Est-ce qu'il y a la possibilité pour cette licence de venir rechercher, de réclamer le trône? On verra. Moi j'espère, parce que c'est pareil, quand tu vois les images de Diablo 4 aujourd'hui en termes de game feel, même ce qu'on comprend rapidement, juste sans avoir la souris dans les mains, en termes d'effets visuels, de sonores, de visuels, de ce qu'ils veulent faire, c'est beau de ouf, quoi. Enfin, c'est super élégant, il y a vraiment des trucs incroyables, et je me dis j'espère que ça pourrait fonctionner, parce que en fait on joue à PoE, enfin moi je fais partie des gens qui jouent à PoE par défaut, parce que j'ai rien d'autre à me mettre sous la main, mais si je pouvais, je continuerais de jouer à Diablo 3 si ça avait été un vrai successeur, quoi. C'est marrant parce que j'allais aussi employer l'expression par défaut en disant en fait fait, il va probablement récupérer le trône par défaut, parce qu'en termes de Diablo-like, oui, entre oui. guillemets... Ouais, bah, ils peuvent se planter, ça, hein, on l'a déjà vu par le passé. Hein. Mais ils peuvent se planter, ou se planter comme Diablo 3, et ils feront quand même minimum 20 millions de ventes, tu vois, donc ce sera un plantage qu'en demi-teinte, mais la question c'est après, est-ce qu'il influencera des gens, est-ce qu'il fera venir d'autres gens, d'autres publics et tout, ça c'est pas gagné. Non mais ouais. Par contre, moi ce que je me dis aussi, c'est que j'ai eu l'impression de finalement découvrir un peu le genre avec un jeu qui est aujourd'hui, qui est particulier, tu vois, avec ce... et du coup, je serais pas non plus contre, tu vois, quand ça sortira Diablo 4, si tu me dis, ouais, ça marche bien, c'est intéressant, d'essayer de voir, tu vois, parce que finalement, c'est pas un genre que je connais très bien, et j'ai pas l'impression que Diablo 3 soit le bon candidat pour bien le... Ce qu'on dit souvent, c'est que c'est bien pour découvrir, mais c'est genre... mais parce que c'est la pâte aux joueurs, quoi. Enfin, tu vois, c'est genre... t'es dans le petit bain, et puis voilà. Et le problème, c'est qu'entre les deux, il y a difficilement des jeux, c'est-à-dire qu'on passe soit du petit bain à la fosse avec des piranhas, des requins et des bombes nucléaires qui est Path of Exile, parce que c'est un jeu, rien que pour le comprendre, moi j'ai 1500 heures de jeu dessus et je commence à peu près à le maîtriser, quoi. Donc, est-ce que Genèse Rédemption, est-ce que le Titan a eu sa rédemption, Benoît? Pas totalement. Ils ont réussi à sauver les meubles, hein. Clairement. Reaper of Souls a quand même bien remonté la barre, mais maintenant, Diablo. Tu vois, moi j'étais un peu triste parce que quand on m'a proposé de faire un bouquin sur Diablo, j'étais tellement content parce que Diablo, pour moi, c'était ma. Enfin, c'est pas ma vie, mais toute mon adolescence tournait autour de ce jeu-là. J'y ai tellement passé de temps. Et aujourd'hui, quand t'es adulte et que tu veux parler de Diablo, tu te rends compte que ça a plus cette espèce d'aura, cette espèce de. Oui, ça, je pense que ça, c'est sûr qu'aujourd'hui. Voilà, pour plein de gens, Diablo, c'est... Donc si le Diablo Immortal, il marche, pourquoi pas, tu vois, ça pourrait peut-être remonter des trucs, puis moi, j'attends Diablo 4, tout simplement. En tout cas, on peut toujours s'intéresser, si vous n'avez pas votre dose de Diablo, vous pouvez vous jeter sur le livre. Hein. Moi, il y a plein de gens qui l'ont beaucoup apprécié, hein. Il est très, beaucoup de bons retours. Donc voilà, si vous êtes client de Diablo, que vous voulez en découvrir, revenir encore plus sur cette série, évidemment, il y a le livre de Benoît qui est dispo. Et puis, si vous voulez tout simplement continuer l'aventure avec nous, avec Fin du Game, vous pouvez nous soutenir sur Patreon. C'est très simple, les liens sont dans la description. Voilà, une petite piécette, ça nous permet de continuer. On a encore un beau programme jusqu'à la fin de la saison. Là, il y a plein de petites choses qui se préparent. La prochaine fois, c'est Fez. Oui, c'est Fez. J'ai eu un doute là avec les deux autres, mais si c'est Fez ce coup-ci. Donc voilà, on va passer. Première vague des jeux indés, Maxime ? Oui. Première vague des jeux indés. Bien joué. Exactement. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines. Salut. Ciao. Salut.